écoutez le Libre Journal de la Liberté de Pensée dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyel-Dieu, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 1er septembre 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs de Radio Courtoisie et particulièrement auditeurs fidèles du Libre Journal de la Liberté de Penser que j'ai le plaisir de diriger depuis plusieurs années maintenant, je vous salue, je vous remercie d'être fidèles à notre Libre Journal de la Liberté de Penser. Toute une période estivale s'est écoulée et j'espère que pour vous elle a été reposante, ensoleillée entre guillemets, tout dépend de l'endroit où vous étiez, même si l'été a été plutôt grisaille, et puis surtout l'occasion de vous ressourcer en famille ou entre amis. Alors on attaque, et on l'attaque bien puisqu'on est pile le 1er septembre aujourd'hui, notre rentrée du Libre Journal de la Liberté de Penser, avec un sujet dont peut-être certains auditeurs en ont assez d'en entendre parler, mais malheureusement il est au cœur de nos vies puisqu'il touche même à nos libertés individuelles et affecte notre façon de vivre en cette rentrée 2021. Il s'agit donc de la gestion de la crise sanitaire avec un titre d'émission que j'ai choisi qui s'inspire, vous allez le comprendre, y a-t-il une erreur ? Décidément, ils n'ont toujours rien compris parce que je reçois aujourd'hui en invité principal et je le remercie de s'être rendu disponible, le professeur Christian Perronne. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous en présentiel, comme on dit, ça fait partie des nouveaux mots. En tout cas, vous l'avez toujours été, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de vous inviter et je vous en remercie. Je voulais vous citer votre, et je sais que vous ne le ferez pas parce que vous êtes modeste, mais sachant les critiques dont vous faites l'objet, on vous dit complotiste, on vous dit, j'ai lu un terme assez rassuriste aussi, vous nous expliquerez ce que ça veut dire. Enfin voilà, ça fait une petite année, étant donné que vous n'êtes pas dans la pensée dominante, que de nombreuses attaques extrêmement virulentes ont lieu à votre sujet. Et j'ai pensé essentiel pour démarrer cette émission de rappeler que vous avez une expérience infinie et reconnue dans le domaine de la santé. Vous avez 15 ans de conseil en santé publique au ministère de la Santé. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous êtes peut-être expert pour les agences françaises et européennes du médicament et à l'OMS aussi. Vous êtes président de la commission spécialisée des maladies transmissibles. J'étais. Alors là, on va le mettre au passé. Ça ne m'étonne pas. On va le voir après. Mais en tout cas, vous avez été. Je rectifie. Président de la commission spécialisée maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé publique. Et puis professeur, vous l'êtes toujours peut-être. Oui. Voilà, professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et vous avez été, là on va le mettre au passé, mais ça compte, 27 ans de vie, vie professionnelle reconnue, je pense, par de nombreux patients du moins, comme chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, jusqu'à votre récente révocation qui a été administrative. Oui. On comprendra pourquoi ensuite, mais on ne va pas polémiquer, on n'est pas là pour ça. Essayons de ne pas utiliser les armes de nos adversaires et d'essayer, pendant cette heure et demie que nous allons passer ensemble, d'ouvrir une fenêtre objective sur ce qui se passe, ouvrir une fenêtre qui se base sur des faits scientifiques et médicaux, en essayant de rester critique. Alors, vous allez faire un diagnostic et on essaiera de faire une ordonnance pour savoir un petit peu vers quoi nous allons en tout cas. Depuis qu'on s'est rencontrés, j'en oublie le deuxième invité qui va nous rejoindre en milieu d'émission. J'aime bien généralement avoir une ouverture médicale et m'appuyer sur du juridique derrière. Et j'aurai pour ça la participation de Guillaume Leroy qui fait partie, et j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à aller voir leur site et leur publication, du cercle Droit et Liberté, qui se bat aussi pour donner une interprétation dans le milieu juridique de toutes les libertés individuelles qui sont bafouées largement par ce pass sanitaire. C'est un des sujets, il y en a d'autres. Et donc nous aurons l'occasion d'en débattre avec Guillaume Leroy en deuxième partie d'émission. Merci au Cercle Droit et Liberté de participer au Libre Journal de la Liberté de Penser. Alors, professeur Perron, de mémoire, on s'est vu au printemps et on est juste au 1er septembre et on avait déjà fait un état des lieux de la crise sanitaire et de sa gestion, du moins dans les hautes sphères médicales hein, et du ministère de la Santé. Aujourd'hui, 1er septembre, beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire, ont changé. D'abord, si je suis moi, et je le suis, hein, une citoyenne lambda sans aucune connaissance médicale, on est en pleine quatrième vague et on a droit à l'instauration du pass sanitaire. Depuis le printemps, comment analysez-vous les choses ? Alors, tout d'abord, on m'a qualifié du terme de rassuriste. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un rassuriste ? Je ne savais pas trop, mais je suis fier de rassurer les Français parce qu'on nous mène dans une situation qui est totalement inimaginable, qui n'a plus aucun support scientifique. La quatrième vague, ce n'est pas vraiment une quatrième vague. Il y a une augmentation du cas de ce fameux variant Delta, mais qui n'est pas méchant du tout. Il y a quelques personnes à risque qui peuvent faire des formes graves, mais maintenant on a des médicaments pour les traiter. Donc l'épidémie, quasiment partout dans le monde, elle est en train de s'effondrer, sauf dans les populations qui ont été massivement inoculées avec ces produits qu'on appelle vaccins, puisque les personnes qui ont reçu ces produits dits vaccins peuvent faire la maladie, peuvent contaminer les autres, et font des formes graves. Là, ce matin, j'ai encore eu le témoignage d'un médecin israélien qui disait en Israël, qui était soi-disant le pays modèle, oui, on en reparlera l'épidémie a flambé depuis qu'on a inoculé tout le monde avec ces soi-disant vaccins, et 80% des gens qui font des formes graves en réanimation ont reçu double dose de ces pseudo-vaccins. Donc, alors, on m'a dit, moi, pardon, je vais être naïve, mais je vais jouer la naïve, mais je pense que tous les auditeurs de Radio Courtoisie, aucun n'a votre niveau de connaissance médicale. Oui, mais ce n'était pas le bon vaccin. Israël, qui était le modèle, hein, quand vous êtes venu en avril, tout le monde voulait aller vivre en Israël, c'était formidable, ils étaient tous vaccinés, ils revivaient. Ils ont été vaccinés à l'AstraZeneca essentiellement. Ah, ben non, ce n'était pas le bon vaccin. Non, ils ont été vaccinés avec Pfizer. Avec Pfizer, ah bon. Donc, voilà. Donc, est-ce que ça a lié au vaccin, le fait que ça reprenne? Tous ces produits, de toute façon, ont été peu validés. C'était fait à toute allure. Ils sont toujours en phase d'expérimentation, ce que les gens ne savent pas. Oui, jusqu'à quand? Ah ben, jusqu'à 2022-2023. Ah, ouais. C'est-à-dire que normalement, ces produits ne pourraient pas être inoculés à un être humain si on vivait dans une société normale, respectant les droits de l'homme, la Convention de Nuremberg, sans un consentement éclairé de chaque personne qui reçoit ce produit, qui n'est pas un vaccin, je rappelle. Pourquoi vous dites que ce n'est pas un vaccin ? Excusez-moi. Parce que ça n'a rien à voir avec les vaccins. Alors expliquez-nous avec des termes simples. Un vaccin, c'était inventé par Jenner et Pasteur il y a longtemps. Moi, je suis à fond, et puis je ne suis pas du tout anti-vax, contrairement à ce que certains disent sur Internet. Au contraire. Au contraire, j'ai été président de la commission qui faisait la politique vaccinale en France pendant des années. J'ai été vice-président du groupe d'experts à l'OMS qui faisait la politique vaccinale pour toute l'Europe. C'est pour ça que j'ai rappelé votre CV. Non, mais c'est important de le dire. Je ne suis pas anti-vaccinal. Je suis à fond pour les vaccins quand c'est fait dans des conditions normales et que ce sont des vrais vaccins. Alors, dites-nous aujourd'hui pourquoi vaccin, vous dites produit et pas vaccin. Parce c'est important. Un vaccin, que ce soit une bactérie, un virus, on l'atténue. Soit il reste vivant dans quelques cas comme la rougeole ou la fièvre jaune, bon, on garde le virus vivant puis on va l'atténuer pour qu'il vous fasse une forme bénigne de la maladie. Comme ça, votre système immunitaire répond, fait des anticorps et si vous rencontrez un jour le vrai virus, vous êtes protégé. Voilà. Ça, c'est des vaccins vivants atténués. Puis il y a des vaccins qui sont tués, inactivés. Alors on va tuer la bactérie, on va la filtrer, puis on va vous injecter un extrait. Bon, de plus en plus, maintenant, on n'injecte pas la bactérie ou le virus en totalité, mais des fragments qui sont ce qu'on appelle les antigènes, qui sont les structures dans le virus ou la bactérie qui vont stimuler le système immunitaire et pour que vous ayez une immunité. Donc c'est mieux que ce soit des fragments, on fait ça pourquoi ? C'est-à-dire que souvent quand c'est des fragments, c'est mieux toléré. Voilà. Parce que quand on fait un filtrat de bactéries, par exemple, c'est une soupe un peu qui n'est pas toujours très pure et peut avoir des effets indésirables qui ne sont pas toujours très méchants, mais qui peuvent donner de la fièvre ou des réactions. Voilà. Alors, pendant plus d'un siècle, on a fait des vaccins selon des normes connues, et puis surtout pour mettre en place et commercialiser un nouveau vaccin, il faut des années, il faut 10 ans de processus d'évaluation dans des études sérieuses contrôlées par d'autres équipes. Je suppose qu'il y a des stades, des phases, des homologations, tout ça c'est et encadré. Donc, pour qu'un produit médicamenteux, parce que les vaccins sont assimilés à des médicaments dans la législation maintenant, soit arrive sur le marché une autorisation de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AMM, l'Agence du médicament, il faut qu'il soit en phase 4, c'est-à-dire qu'il est terminé la phase 3, qui est la phase d'évaluation chez l'homme. Parce qu'il y a plusieurs phases. La première phase, c'est on regarde la toxicité chez l'animal. Après, la phase 2, on paye des volontaires sains pour voir un peu la tolérance. Et puis la phase 3, c'est une étude à grande échelle sur des populations, mais volontaires, qui signe un consentement pour recevoir le... Il y a un nombre pour que ce soit efficient, ça ? Ah ben, normalement, il faut des milliers de personnes. Après, il faut que ce soit... qu'il y ait plusieurs études sur plusieurs continents qui confirment les données. Mm-hmm. Et surtout que les études puissent être évaluées de façon indépendante. Là, on n'a que... Tous les chiffres viennent des laboratoires pharmaceutiques sans que personne n'ait pu contrôler les bases de données. Donc là, ça a été testé quand même sur des personnes volontaires. Oui, mais ce n'est pas terminé. D'accord. Donc normalement, on n'aurait pas le droit de commercialiser ces produits. C'est normalement. Qu'est-ce qui s'est interdit. Passé pour qu'on puisse Parce qu'on a violé la loi partout. Tout ce qui est, toute la politique, ce n'est pas qu'en France, c'est un peu international. Toute la politique actuelle de santé en matière de Covid est totalement illégale. C'est illégal. Le gouvernement se permet des choses illégales. Les députés qui ne connaissent pas la médecine sont sous ordre du gouvernement et votent la nuit en catimini alors qu'ils sont à une poignée, des choses illégales. Le conseil scientifique, ils sont peut-être 5 ou 6 comme ça autour du président, le conseil de défense. C'est très obscur. C'est très obscur, c'est une espèce de secte qui fait des choses totalement illégales. C'est illégal d'un bout à l'autre. Et ça, ce n'est plus possible. On est en démocratie. Il faut revenir vers des choses normales. Et pourquoi on démolit tous les médicaments qui marchent ? Regardez l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, le zinc, la vitamine D, l'ivermectine. Ça marche, l'ivermectine marche encore mieux. Maintenant, il y a une preuve absolue. Tous les pays qui ont fait l'ivermectine de façon complète, ils n'ont plus de cas. Même l'Inde qui, à un moment donné, certains États indiens ont, sous pression, probablement de lobbies internationaux, ont vacciné dans quelques... Pas vacciné, ont inoculé ces produits pseudo-vaccins dans quelques États. Là, c'était la catastrophe. L'épidémie est repartie. C'est là qu'est né le variant Delta, sous pression du soi-disant vaccin, et qu'on a revu des morts. Alors que tous les États d'Inde qui étaient majoritaires, qui distribuaient pour quelques roupies un petit sachet dans lequel il y avait l'ivermectine avec un antibiotique, du zinc et de la vitamine D, l'épidémie était terminée, il n'y avait plus de morts. On a une preuve absolue au niveau de la planète. Donc, il faut arrêter de dire que l'ivermectine ne marche pas. Pourquoi les lobbies relayés par les gouvernements ont dit partout dans le monde qu'il n'y avait aucun traitement efficace ? Parce que si jamais ils avouent, ils seront obligés de l'avouer un jour, parce que la preuve, elle est éclatante. On ne peut plus... C'est impossible de continuer à dire le contraire. S'ils disent qu'il y a un seul produit qui marche, ils n'ont plus le droit. Demain, tous ces produits dits vaccins doivent aller à la poubelle. Ils n'ont plus le droit d'être commercialisés. Parce que l'autorisation de mise sur le marché a été accordée sous... Parce que soi-disant, il n'y avait pas de produit efficace. D'accord, donc il faut bien comprendre, et je l'ai compris en vous écoutant, notamment dans d'autres médias, qu'il fallait qu'il n'y ait pas de traitement, je vais vulgariser un peu votre raisonnement, pour qu'on viole la procédure normale de mise sur le marché des vaccins. Voilà. Donc tout s'explique par ça, en fait. Voilà. Il n'y a pas de traitement, donc on va plus vite avec le vaccin. C'est le raisonnement à l'envers complètement. Totalement. Et moi, ce qui m'affole dans cette crise, je l'avais déjà pressenti, parce que même quand j'avais écrit mon livre sur la maladie de Lyme, qui était sorti en 2017, vous êtes un spécialiste de la maladie de Lyme. J'avais déjà dit que la science déraillait, la médecine déraillait, qu'elle était sous l'influence de grands lobbies, que même les grands journaux médicaux internationaux, c'est pas moi qui lis, c'est leurs rédacteurs en chef eux-mêmes qui l'ont écrit. C'est pas du complotiste de dire ça. Ouais. La moitié de leurs articles, quelquefois, étaient biaisés, mais voire complètement frauduleux, parce qu'il y a des lobbies qui financent des articles pour mettre en valeur tel ou tel produit. Moi, j'ai l'impression que la médecine, au niveau national, international, même l'OMS, ne sont plus au service de la santé des citoyens. Ils sont au service des profits de l'industrie pharmaceutique qui a complètement noyauté la santé. C'est-à-dire que maintenant, on attaque tout ce qui est naturel, tout ce qui ne rapporte pas. Oui, parce que dites-nous, là, les médicaments que vous citez, ils sont tombés dans le domaine public. Oui, mais de toute façon, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, n'importe quel médecin peut les prescrire sur ordonnance. Mm-hmm. C'est autorisé, contrairement à ce que quelquefois on raconte. Alors justement, on dit que c'est interdit. Non, c'est pas interdit, absolument pas. Ça, c'est des fausses informations. Donc on peut aller voir son médecin ? Oui. Il n'y a que aux Antilles, parce que comme les Antillais sont résistants à la politique nationale, j'ai appris l'autre jour que la gendarmerie avait saisi tous les stocks d'ivermectine dans les pharmacies, parce qu'on ne veut pas que les Antillais se soignent. Mais c'est honteux de voir des choses. Du coup, ça va mal chez eux. Et ça, à mon avis, ça va chauffer. Il n'y a pas eu d'interdiction des médecins généralistes à prescrire ces molécules. Il y a eu l'interdiction pour l'hydroxychloroquine après l'étude frauduleuse du Lancet. Le lendemain, le ministre Olivier Véran a fait interdire l'hydroxychloroquine en médecine de ville. Oui. C'est encore autorisé avec des grandes restrictions à l'hôpital. Mais quand la loi d'urgence sanitaire est tombée au mois de juillet de l'année dernière... Du coup, le décret d'interdiction de l'hydroxychloroquine est tombé. Parce qu'on était resté là-dessus, ça n'a pas été relayé par les médias. Bien sûr, parce que quand dans les médias, les gens disent « Oh, ça y est, c'est fini », même le directeur général de la santé dit « Non, non, non, c'est pas fini, c'est toujours interdit », alors que ça ne reposait sur rien, ce n'est pas interdit. N'importe quel médecin peut prescrire, n'importe quel pharmacien doit délivrer. Et je suis scandalisé quand j'apprends par des patients que des pharmaciens refusent d'honorer les ordonnances. Et de quel droit ? Un pharmacien doit vérifier que c'est la bonne posologie, que le médecin ne s'est pas trompé dans la dose. Que... Mais ce n'est pas un pharmacien de juger de la prescription d'un médecin. De quel... Parce qu'ils ont subi des pressions avec les agences régionales de santé. Ou alors peut-être qu'ils n'en ont même pas dans leur stock. Aussi, ils en ont, mais... C'est courant. Cette molécule-là, parlez-nous, pas la deuxième, voilà. L'ivermectine, c'est un antiparasitaire à la base qui est utilisé chez des centaines de millions, je dirais presque des milliards d'individus dans le monde pour traiter des parasitoses africaines ou en Asie. Donc vous connaissez par cœur en tant que médecin. C'était largement utilisé. C'est utilisé en France régulièrement. Bon, il n'y a pas tant de cas que ça pour la gale, par exemple. Donc c'est un produit tout à fait banal. Et d'un seul coup, on l'a diabolisé en disant qu'il est très dangereux. Avec des effets secondaires ? Non, très peu. Il n'est pas grave. Il a tué personne. Et d'un seul coup, on l'a diabolisé, comme on avait diabolisé l'hydroxychloroquine en disant c'est très dangereux, ça ne marche pas. Et on a commencé à poursuivre des médecins qui prescrivaient, à menacer de les radier. Mais c'est ça. Et ça, c'est terrible. On doit laisser la liberté de prescription des médecins, c'est inscrit dans le code de déontologie. Oui. Et ça, c'est... On est en train de violer toutes les lois de la République, on est en train de violer toutes les règles de bon sens en médecine pour imposer des produits qu'on appelle vaccins qui sont, maintenant on le sait, inefficaces. C'est confirmé tous les jours. Quand vous dites inefficace, ça veut dire ça n'empêche pas la transmission. D'abord, ça n'empêche pas de transmettre. Ça, c'est quand même confirmé. Vous voyez, les jeunes, ils se disent « Ouais, je sais que je vais faire vacciner, comme ça je ne mettrai plus de masque. » Mais on leur dit « Non, non, vous êtes toujours transmetteur, portez toujours un masque. » Même il y a des données qui montrent que les vaccinés transmettent plus que les... Alors, ce qu'on dit, c'est que ça transmettrait, mais que, du coup, vous faites une forme moins grave. Non, parce que les... Je me fais l'avocat du diable. Je sais, mais qui va maintenant en réanimation dans les pays qui ont inoculé massivement ces pseudo-vaccins ? Ce sont les vaccinés. Ce que dit la campagne du gouvernement, la publicité que vous voyez sur vos écrans. Là, 8 sur 10 en réanimation hospitalisés sont des non-vaccinés. Oui, j'ai lu ce que le gouvernement avait fait comme clip. C'était encore vrai en France il y a quelque temps, parce que la France a quand même... la vaccination massive, c'est plutôt cet été, c'était pas encore trop au printemps. Oui, c'est-à-dire que maintenant, les chiffres de vaccination sont en train de chuter, ce qui inquiète beaucoup le gouvernement d'ailleurs. Mais, parce que maintenant, ils vont s'attaquer aux résistants. Là. Ils ont eu la moitié de la population comme ça par le charme et la désinformation, mais ils n'auront pas le reste de la population. Il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Hein. Ça va résister dur maintenant. Oui. Voilà. Donc les 8 patients sur 10 que le ministère de la Santé. C'est vrai que c'était encore vrai qu'en France, la majorité des patients graves n'étaient pas vaccinés, mais le rapport va s'inverser, comme ça s'est fait dans les pays qui ont vacciné massivement avant la France. On en est à un stade d'avant, en fait. On est à un stade de retard. Oui, voilà. Voilà. Donc le vaccin n'empêche pas la transmission. Parce que, alors, autre, je vais vous faire un peu une liste de tout ce qu'on entend, hein, mais on est là pour en discuter ensemble. Les personnes âgées, donc, en fait, ce que j'ai lu, dites-moi si je me trompe, et elles sont en France, on n'a pas beaucoup vacciné les personnes à risque âgées, en fait. On a des résultats, des proportions en plus qui sont très faibles par rapport aux personnes à risque. On est dans les derniers du classement. Parce qu'on aurait dû vacciner les personnes très âgées, 80, 85 ans, souvent, en priorité, si on avait été dans leur logique. Or, même là, on est dans les derniers du classement au niveau européen ou mondial, je sais plus. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les maisons de retraite qu'on appelle EHPAD maintenant, ça dépendait complètement du médecin-chef et de son équipe. Oui. Soit ils obéissaient à l'ARS, ils ne traitaient pas les gens, ils leur donnaient du doliprane et puis ils attendaient qu'ils meurent et ils leur faisaient l'injection fatale de Rivotril. Et là, il y a eu des taux de mortalité dans les EHPAD de plus de 60%. Soit il y a quelques médecins éclairés qui ont refusé ça, qui ont dit non, il y a des traitements, qu'on donnait d'abord l'hydroxychloroquine l'année dernière, l'azithromycine, maintenant qu'ils donnent l'ivermectine. Oui. Et il y a zéro mort. Et ça, il y a plein de témoignages de gériatres. Donc, il y a la démonstration que... Il faut revenir de façon... moi, j'ai l'expérience des vaccins dans les épidémies dans le monde entier depuis des années. Oui, c'est intéressant, dites-nous. Obliger toute une population à se vacciner, il y a une logique si vous avez une maladie qui tue énormément de gens. Si 30%, je ne dis pas 50%, c'est exceptionnel, mais déjà, si 20, 30% de la population mourait de la maladie, que vraiment on avait la preuve que ces produits dit vaccin marche. En plus, là, on n'a même pas la preuve. Et on s'en rend maintenant à la démonstration que ça ne marche pas. Mais imaginons que ça marcherait. Mmh. On pourrait dire, OK, faire une obligation, ça peut justifier, parce que là, il y a un tel dégât que ce n'est pas possible. Comme il y avait la variole tuée un tiers des Français ou des Européens il y a plus d'un siècle. Bon, la variole a disparu grâce à la vaccination. Donc là, il y aurait une logique à imposer ça. Là, maintenant, on a une maladie qui ne tue plus 0,05%. C'est-à-dire que c'est n'importe quel virus respiratoire. Tué, en fait. Vous ne dites plus, mais elle n'a jamais été mort. Si ça a tué un petit peu les personnes un peu plus, à risque. Vous trouvez ? Oui, quand on regarde avec le recul, il y a une petite surmortalité en mars-avril de l'année dernière. Oui. Et après, tous les soi-disant seconde, troisième vagues, ça a été noyé dans la mortalité un petit peu globale. Et on ne voit pas vraiment de. Quand on regarde vraiment avec le recul, il n'y a pas de surmortalité. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de chiffres de décès attribués au Covid était dû à autre chose. Mmh. Une surmortalité due à l'absence de possibilité de soins pour les gens qui ne pouvaient plus accéder à l'hôpital, et les gens qui avaient des cancers, qui devaient avoir des chimios, des dépistages, les problèmes cardiaques, les coloscopies pour dépister les cancers, même la chirurgie qui a été complètement arrêtée pendant des mois. Donc là, et où l'impossibilité d'accéder aux urgences, puisqu'on appelait le 15 pendant des heures et personne ne répondait. Tout ça, voilà. C'est des choses qu'on ne chiffrera jamais. Et alors, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas eu une surmortalité très significative sur l'année. Il y en a eu un petit peu, je dis, en mars-avril, de la première vague qui était la plus virulente. Mais c'est normal que la première vague était plus virulente, parce qu'un virus, quand il est tout nouveau face à l'espèce humaine, ça c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Je ne vois pas pourquoi maintenant les gens vous racontent vous font peur avec le variant Delta, c'est des bêtises. Plus un virus circule chez l'homme, plus il s'habitue, plus il perd de sa virulence et plus l'homme s'habitue à lui. Ça, c'est une constante dans l'histoire des maladies infectieuses. Donc maintenant, on voit bien, souvenez-vous, cette histoire des variants, c'est un peu une supercherie parce que c'était au mois d'août de l'année dernière, il y a un an, en Espagne, je me souviens, on nous a dit, il y a un variant espagnol terrible, il est en train de ravager l'Espagne. Il y avait même une émission de télévision. J'en reviens, ils s'en sont bien sortis. Ouais. Hein. Et l'émission de télévision, je me souviens, en août de l'année dernière, on voyait une journaliste affolée au journal de 20h qui appelait un médecin dans un CHU à Madrid. Et alors, docteur, c'est la panique, il y a des malades partout, vous réquisitionnez. Et le gars, il était confortablement installé dans sa chaise et il était sidéré. De quoi vous parlez ? Ah oui, ben des malades Covid, on en a 5, là, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et la journaliste commençait à l'engueuler en disant, mais c'est pas possible ce que vous racontez. Alors, on a attendu le variant espagnol, qui n'a pas franchement franchi les Pyrénées, même s'il a circulé. Après, il y a eu le variant anglais, vous vous souvenez, qui allait décimer l'Europe. Puis il ne s'est rien passé. On a même un président de la République qui nous a annoncé environ 400 000 morts si on ne faisait rien. Moi, je m'en souviens, j'étais devant ma télé. Hein, c'est ce genre de choses dont on se souvient. C'est inconséquent, irresponsable. Et heureusement, ça ne s'est pas produit. Parce qu'il y a un petit groupe d'experts qui, malheureusement, sous l'influence de lobbies internationaux et de beaucoup d'argent, malheureusement, qu'on a fait des modélisations pour dire qu'il y aura 500 000 morts en Grande-Bretagne, France, il y en aura 1 million aux États-Unis ou plus. Alors, on nous a raconté n'importe quoi, on nous a vendu le pire des scénarios. Et puis, il faut bien voir que ce n'est pas du tout comme ça qu'on gère une épidémie. Comment on gère une épidémie ? On isole les malades, ça n'a jamais été fait. Les malades, on est restés chez vous, donc continuez à contaminer votre famille, tout ça. Au contraire, les hospitaliser en urgence, mais les isoler de façon très stricte. Mais isoler, ce n'est pas de mettre toute la population sous cloche. Il faut que les gens non malades puissent continuer à circuler où ils veulent, de façon totalement libre. Donc juste isoler les malades. Si on a un symptôme, on est isolé pendant le temps qu'on crache et qu'on tousse. Et puis une fois, on fait les tests. Et au bout de 15 jours, quand on est guéri, on est relâché. Je dirais, on retourne voir ses proches. Vous vous rendez compte ? Je trouve ça absolument horrible aujourd'hui, ce qui se passe. Il y a des personnes âgées qui sont en train de mourir à petit feu, isolées dans les EHPAD aujourd'hui, parce que leurs enfants ne veulent pas se faire inoculer ces produits dits vaccins qui maintenant sont inefficaces et dangereux. Donc ne peuvent pas leur rendre visite. Ils n'ont pas le droit. Mmh. Et ça, c'est horrible. Et on appelle ça de la santé publique. On appelle ça un ministère au service des citoyens. Mais c'est honteux. Honteux, je n'ai jamais vu, je ne pouvais même pas imaginer, moi, en tant que médecin, que je puisse voir un jour ça dans mon propre pays. J'aurais pu imaginer ça dans la Russie de Staline, mais pas dans mon propre pays. Merci, professeur. On a de nombreuses réactions des auditeurs. Donc, arrive en studio, donc je vous ai annoncé, bonjour Guillaume Leroy. Bonjour. Vous faites partie du cercle Droit et Liberté. Tout à fait. Vous avez un titre, redites-moi. Je suis responsable des affaires publiques du cercle Droit et Liberté. D'accord, vous êtes un publiciste. Oui, pénaliste, exactement. Pénaliste. Alors, on va revenir, vous allez enclencher là-dessus, et puis on aura même peut-être des témoignages croisés entre la médecine que vous représentez, professeur Perron, et vous, le monde du droit, qui normalement devrait agir dans le même sens, c'est-à-dire l'intérêt commun. Mais on va voir que ce n'est pas forcément le cas. Merci aux auditeurs du Libre Journal et Liberté de Penser, parce que j'ai des questions et des remarques qui arrivent. Et surtout, n'hésitez pas, hein, je remercie Françoise qui me les apporte en studio pour qu'on ait un échange. Alors, j'ai un auditeur qui dit « Un vaccin ne soigne pas », merci de le rappeler. Bah, oui, non, un vaccin, c'est pour prévenir, pas pour soigner. Mais malheureusement, ces produits qu'on appelle vaccins ne préviennent rien du tout. Ils n'empêchent pas de faire la maladie, ils n'empêchent pas de transmettre, ils n'empêchent pas de faire des formes graves. Donc ça sert à quoi ? Et pourquoi les rendre obligatoires ? Imaginez dans les écoles, on va dire tous les enfants doivent être inoculés. On sait que ceux qui sont inoculés vont être les plus transmetteurs. Donc moi je dis, ce sont les gens qui ont reçu le vaccin qui doivent être isolés et mis en quarantaine. Et soignés. Et pour protéger la population saine qui est immunisée en grande majorité. Mais ça, encore une imposture scientifique de la part de notre cher gouvernement et de nos experts. On a tout fait pour ne pas développer des tests sérologiques fiables. Alors sérologie, juste, c'est un terme technique, c'est qu'on on vous prend du sang dans la veine du bras pour chercher si vous avez rencontré le virus et fabriqué des anticorps. On sait maintenant que probablement les trois quarts de la population française a rencontré le virus et immunisé, parce qu'un coronavirus, ça immunise à vie. Il faut arrêter de dire des trucs. Je suis heureuse de vous l'entendre dire, parce que étant donné que j'ai eu le Covid, j'ai échappé au vaccin. Alors après, qu'un variant, il y a eu quelques cas publiés, des gens qui ont fait deux épisodes. C'est pareil, on m'a dit 6 mois. Oui, mais ça, c'est inventé pour vous imposer l'inoculation de ces produits tous les 6 mois. Parce que c'est que le PDG de Pfizer vient de l'annoncer, il faudra vacciner tous les 6 mois. À vitam éternam. C'est rassurant. Alors, pour son porte-monnaie sûrement, mais pas pour notre santé. Et à chaque fois qu'on inocule des populations avec deuxième dose, la troisième dose en Israël, c'est catastrophique. Là, c'est l'hécatombe chez les personnes âgées avec la troisième dose. Et plus on va vous inoculer ces produits, plus le virus va bien se porter, parce que quand vous ces vaccins ARN messagers, le produit qu'on vous injecte va vous faire produire vos cellules, par vos cellules propres, un extrait du virus qui s'appelle la protéine de pointe, ou spike en anglais. Mm-hmm. Et cette protéine, quand elle va être probablement produite chez certaines personnes pendant des années en grande quantité, c'est elle qui est responsable de tous les symptômes de la maladie, de la fièvre, surtout des caillots qui se forment, ce qu'on appelle les thromboses, donc des accidents cérébraux, les AVC, les infarctus, les embolies pulmonaires, les phlébites, les morts subites, etc., qu'on voit maintenant par milliers après dans les jours qui suivent l'inoculation. Donc on sait que quand quelqu'un vient d'être inoculé, qui rencontre le virus, il va faire une forme plus grave. Il faut prendre l'exemple de notre chère ministre Roselyne Bachelot. Elle s'est fait inoculer et quelques jours après, elle a fait une forme sévère de Covid. Donc vous voyez, c'est un exemple connu. Mmh. Mais comme ça, il y en a des milliers, des dizaines et des centaines de milliers. Et donc, parce que quand on reviendra au pass sanitaire, on n'en a pas encore abordé, mais c'était important d'avoir le volet médical. J'ai lu en troisième ligne, et ça m'a intéressée, puisque je vous ai dit que j'avais été atteinte par le virus l'année dernière, un certificat de rétablissement. Je me suis dit, chouette, beaucoup de gens vont échapper au pass sanitaire, ça va être et un peu normal et un peu logique. Et puis alors là, ils ont mis des règles, alors c'est moins de 6 mois, plus de... Enfin, vous nous le direz après, Guillaume Leroy. Et puis mon médecin, il sait pas ce que c'est, moi, il m'a pas fait de certificat. C'est du pipeau. C'est ça. Du pipeau total, parce que un coronavirus immunise à vie. Après, comme le coronavirus varie, c'est ce qu'on appelle les mutants, les variants. Voilà. Si vous rechopez un nouveau coronavirus qui est différent, il y a des cas rares, mais qui existent, où les gens ont fait deux épisodes, trois épisodes exceptionnellement. La deuxième forme est toujours plus bénigne que la première, parce que le virus a perdu de sa virulence en cours de route. Si vous êtes particulièrement fragile, ça peut arriver que votre système immunitaire ne vous protège pas complètement, parce que le virus a un petit peu varié, mais il sera de toute façon de moins en moins virulent. Oui. Donc, quand je dirais, on s'en moque. Contre le virus sur lequel vous avez été infecté, qui a envahi vos poumons pendant 2 semaines, vous êtes protégé à vie. Ça, c'est un discours qu'on n'entend absolument pas. Mais évidemment, parce que s'ils commencent à dire ça, il n'y a plus besoin de vous inoculer ces produits qu'on appelle vaccins. Ça, je suis toujours surprise par le fait que les médias ne parlent pas des gens qui l'ont eu et de leur réaction derrière. Bien sûr. Et pourquoi les tests dits sérologiques, je reviens à cette sérologie, ces tests où on cherche les anticorps dans le sang. Si vous regardez bien, aucun test fiable n'a été développé. Il y avait un chercheur indépendant qui n'est pas médecin, qui est un physicien, qui l'a dit. Il a fait une vidéo en juin 2020, donc là, plus d'un an. Après, il l'a publié en décembre 2020 dans un journal scientifique. Il a montré que sur les 12 tests qui étaient validés par l'Institut Pasteur, il y en avait un test chinois, je crois, qui était correct. Il y avait 2-3 tests qui étaient vraiment moyens et tout le reste, c'était très mauvais. Et pourtant, ils ont reçu le label test sérologique fiable. Parce qu'il faut, mettre au point un test sérologique spécifique pour quelqu'un qui a eu le Covid. Ce n'est pas une simple prise de sang et hop, on fait un bilan. La prise de sang, mais après, il faut que la technique qu'on utilise pour changer l'anticorps soit valable. Mmh. Or, on a fait exprès de commercialiser des techniques pas valables. Mmh. C'est l'inverse. C'est compliqué, ça, docteur? C'est un petit peu compliqué. Mais ça, on peut le faire si on y met les moyens, mais ça n'a jamais été fait. On ne les met pas, là, les moyens. Ils ne veulent surtout pas montrer que la population est immunisée, parce que sinon, c'est la catastrophe pour eux. Ça bloque totalement leur politique. C'est comme on a inventé les tests PCR qui sont faits aujourd'hui. Alors là, c'est l'inverse. On ne cherche pas les anticorps, on cherche le virus si vous avez des symptômes. La PCR, c'est une amplification par une enzyme des traces du virus si vous l'avez dans le nez. Mm-hmm. On n'a pas le droit, mais ça c'est même l'inventeur de la PCR qui est mort malheureusement en 2019, elle a toujours dit toute sa carrière, et moi quand j'étais chercheur à l'Institut Pasteur, j'étais comme directeur adjoint d'un centre de référence à Pasteur, donc je sais de quoi je parle, pour la tuberculose, on n'a pas le droit d'utiliser un test PCR en routine de dépistage chez des gens qui n'ont pas de symptômes. C'est une hérésie scientifique, c'est interdit par... jusqu'à présent, parce que maintenant la science déraille complètement avec des experts... On en fait tous les jours, si on a envie influence. De vivre, Donc tous ces tests PCR qui ont été faits par millions, surtout il y avait des gens qui n'avaient aucun symptôme, qui étaient angoissés, comme c'était gratuit, ils faisaient 3 fois par semaine, c'est complètement illégal de faire ça, ça n'a aucun sens scientifique, et surtout on a amplifié la PCR à 45 cycles en France, alors c'est un peu technique, mais plus on amplifie du vent, c'est-à-dire que si... Normalement, pour qu'une PCR soit fiable, il faut faire les cycles d'amplification de la technique jusqu'à 20, 25, 30, grand maximum. Mm-hmm. Ce qui s'était fait normalement pour la plupart des maladies. Et là, en France, dans plein de pays, on a autorisé jusqu'à 45 cycles. Ça veut dire que la plupart des gens, on leur a dit « vous avez le virus dans le nez », ils n'avaient pas du tout le virus dans le nez. Ils avaient des traces infinitésimales, pas du tout contagieuses et qui n'ont aucun sens. Ils ne sont pas très fiables. Et alors, vous savez, le principal aveu, parce qu'on peut dire « je raconte n'importe quoi », alors je sais, il y a plein de scientifiques de haut niveau, des prix Nobel, des virologues, des biologistes moléculaires, d'immenses calibres dans les plus grandes universités mondiales américaines qui l'ont dit. Il n'y a pas que moi. Aux États-Unis, il y a un centre de surveillance des maladies qui est l'équivalent de Santé publique France qui s'appelle le CDC d'Atlanta. Et le CDC a dit juste avant les vacances, c'était, je ne sais plus la date exacte, c'était vers le mois de juin, quand ils ont vu qu'il y avait de plus en plus de cas de PCR positive chez des gens qui venaient d'être inoculés par ces pseudo-vaccins, ça les dérangeait parce qu'ils faisaient la campagne, allez-y, faites-vous vacciner, puis hop, il y a plein de gens positifs après, ça allait contre ce qu'ils racontaient à la télé. Mm-hmm. Et ben, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah ben oui, mais pour les gens vaccinés, les cycles de PCR doivent être amenés à 20, mais pas pour les autres. Ça veut dire qu'on revient à... parce qu'ils voulaient faire chuter le nombre officiel de gens positifs après l'inoculation des pseudo-vaccins. Mmh. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport officiel du CDC d'Atlanta. Donc, moi, pourquoi je suis très à l'aise et pourquoi on m'a pas attaqué tant que ça, même si on a raconté... Non, on a diffamé, on n'a pas diffamé. Attaqué. C'est que même dans mes deux livres, que ce soit le premier « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» que j'ai publié déjà au mois de juin aux éditions Albin Michel. Et puis le deuxième, « Décidément, ils n'ont toujours rien compris », qui était fin mars de cette année. Tout le monde a attaqué, mais Perron diffame, c'est horrible, il va être traîné en justice. Dans le dernier livre, j'ai 60 pages de références. Tout ce que je dis est prouvé. Et ça, je les embête beaucoup. Et vous avez des gens qui vont vous attaquer en justice ou pas? Zéro. Vous avez zéro procès en cours. Ah, je peux vous dire qu'il y en a qui ont essayé. Bien sûr, je me doute. On leur fait confiance. Il n'y a aucun niveau. Mais ils sont... C'est pour ça que je les dérange, parce que moi, je suis un homme du système. J'ai tout connu de l'intérieur. Oui. Toutes leurs magouilles, tous les avis du Haut Conseil de la Santé publique ont été faits dans des conditions totalement illégales. Illégales, je le répète. Parce que moi, j'ai participé à la rédaction des règlements intérieurs et tout ça. Oui, j'ai entendu ça. Donc, les règlements, vous connaissez. Et que quand on a des avocats ont attaqué dans ce sens au Conseil d'État, on leur a dit, oui, d'accord, ça s'est pas fait dans des conditions habituelles, mais c'est normal, il y avait l'urgence sanitaire. Voilà, on en reparlera. Alors que l'urgence sanitaire, moi, j'ai écrit moi-même avec des collègues la procédure d'avis d'urgence au Conseil de la Santé publique. Elle existe. On peut rendre un avis en 24 heures dans les normes avec un vrai vote, prise en compte des conflits d'intérêts. Je peux vous dire que dans la commission... Donc, c'est pas l'urgence qui devait motiver, prendre en urgence. Dans les commissions, il y en avait plein, dans le président, la vice-présidente et d'autres membres éminents, qui étaient bourrés de conflits d'intérêts. Normalement, ils n'auraient pas dû participer au vote, mais il n'y a même pas eu de vote, ce n'est pas légal. Donc tout est fait depuis un an et demi dans des conditions totalement illégales. Ce gouvernement s'affranchit de toute la légalité. Il n'est pas le seul, c'est quand même mondial. Voilà, c'est mondial, mais c'est organisé, bien sûr, parce qu'on peut dire qu'on est complotiste, mais à ce niveau-là, ça peut être qu'organisé quand même, c'est impossible autrement. Et qu'on voit qu'on prend prétexte d'une crise. En plus, on voit bien que maintenant, quand on disait ça l'année dernière, que le virus était fabriqué par l'homme, on disait non, c'est du délire. Maintenant, les plus grands scientifiques du monde entier commencent à le reconnaître. Et puis, il y a les preuves maintenant biologiques. Donc, un virus totalement fabriqué, on nous invente une crise. Bon, certes, malheureusement, il y a eu des morts, et je le déplore, mais on aurait pu les gérer parfaitement et les traiter si ça avait été fait correctement. Pour petit à petit, nous embringuer dans une tyrannie qui ne fait que... tous les trois mois sauter d'un cran. Oui. C'est sans fin, c'est ça le problème. C'est sans fin. C'est le problème. Si on avait imposé tout ça d'un coup il y a un an et demi, ben les gens auraient dit mais c'est de la folie, c'est pas possible, on est en France. Mais petit à petit, les gens s'habituent, sont complètement anesthésiés, hypnotisés par la télé. Et là, je dois dire, moi j'aimais beaucoup les journalistes, j'étais dans les médias depuis plus de 20 ans. Oui, vous voyez beaucoup. Oui, même avant le Covid, hein, je passais pour beaucoup de sujets, j'ai même défendu le ministère ou des politiques de santé publique, les vaccins, j'ai mouillé ma chemise dans les médias. Et là, ce qui me choque énormément, alors je sais que ça ne vient pas du journaliste de base, qui est quelqu'un en général de très bien, mais moi je discute avec des journalistes de base, même si le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, m'a quasiment fait interdire l'antenne sur les médias principaux. Il y a des journalistes qui me disent « on aimerait bien vous inviter parce qu'on sait que vous avez la parole de la vérité, on croit en ce que vous dites, mais si on le fait, moi je suis viré de ma chaîne, le directeur de la rédaction refuse. » Ça veut dire, et les... Ce qui est malheureux, c'est que les journalistes ne vérifient plus les informations. Mais il n'y a surtout pas d'avis contradictoire, parce que même si vous ne déteniez pas la vérité, admettons, restons objectifs, c'est pas ce que je pense, vous êtes à un autre avis. Oui. Donc ce qui serait quand même déjà le point de départ d'une démocratie, c'est d'avoir au moins un avis et un autre avis, contre-avis, plusieurs opinions. C'est un peu la définition de la démocratie, la liberté d'opinion. Et l'Agence France Presse, malheureusement, qui a une influence énorme, dans le monde entier, hein, pas qu'en France. Si elle sort quelque chose, dans l'heure qui suit, tous les médias relais, sans vérifier une seule virgule. Ils ne font que recracher les dépêches de l'Agence française. Et quand on regarde ce qu'ils disent, mais on est horrifié, ça repose sur aucune donnée scientifique. Ils ont juste reçu un coup de fil de quelques influenceurs qui leur ont dit il faut balancer ça aujourd'hui pour contre-attaquer sur tel truc. Mais... Et les Français, heureusement, il y a de plus en plus d'éveillés. Je pense qu'il y a des millions de Français éveillés. Quand on a vu les manifestations en plein été, on s'est dit quand même qu'il y avait des gens qui avaient les yeux ouverts. Mais il y a encore une majorité dont la seule source d'information, c'est le journal de 20 heures des différentes chaînes. Mais ce qui est drôle, ces derniers temps, on commence à voir des journalistes dans les grandes chaînes qui commencent à être interpellés. Si vous avez vu l'autre jour, il y avait Apolline de Malherbe dans son journal de BFM TV qui d'un seul coup réalise « Ah bon ?» Mais ce sont les vaccinés qui transmettent le plus. Elle était sur sa chaise, comme ça, sidérée. Ben oui, ça fait déjà longtemps qu'on le dit. Mais donc, je pense qu'on ne peut pas cacher la vérité comme ça éternellement par des informations bidons tous les jours. Ça va éclater aux yeux de tout le monde. Puis on va voir aussi les dégâts que font ces inoculations dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis surtout le fait qu'on ne sort pas de la crise malgré le fait que beaucoup de gens soient vaccinés. Et à un moment donné, on va se taper le mur, en fait. Il y a des tas de pays qui sont sortis de la crise, mais ils n'ont pas utilisé ces pseudo-vaccins. Ils ont isolé les malades, ils les ont traités. Point barre. Moi, vous me confiez la responsabilité de la gestion de la crise aujourd'hui. Moi, je vous la confie, professeur Perron. Mais je peux vous dire, c'est terminé dans trois mois. Ouais. C'est très facile de contrôler une épidémie. Là, on fait tout pour l'entretenir, parce qu'on sait que ces produits... renforce le développement du virus chez les gens dits vaccinés et sélectionne de nouveaux variants. Donc on peut s'amuser à ça, vacciner des millions de gens, on va sélectionner des nouveaux variants et ça n'a pas de fin. Et ils vont vous dire, et puis quand il va y avoir des décès peut-être liés à ces inoculations, on va dire, c'est un nouveau virus, donc il faut vacciner encore. Vous voyez, les grands dirigeants des fabricants de vaccins, ça m'a beaucoup choqué ces dernières semaines, on leur met sous les yeux que deux doses, ça ne sert à rien. Parce que maintenant, ils le savent, hein, ils ne sont pas idiots. Hein, ils voient que c'est là en vaccine qu'il y a des cas, des morts, que ça ne protège pas, que ça n'empêche pas. On continue à dire aux vaccinés, vous êtes contagieux, portez un masque. Donc ça n'a aucun sens. On voit bien que ce n'est pas des vaccins, il faut arrêter de dire des bêtises. Ben, ils disent, ah oui, non, mais c'est normal, il faut faire une troisième dose pour que ça marche. Et ils vont augmenter de 50% leurs bénéfices. Moi, ce qui m'affole... Là, c'est pas une pandémie virale qui tue les gens, c'est une pandémie de création de milliardaires. Parce qu'on n'a jamais vu autant de nouveaux milliardaires que depuis un an et demi. Et l'industrie pharmaceutique a fait des profits phénoménaux. Moi, je discutais avec des gens, même des gens proches de l'armée, tout ça. Quand on est en train de raboter les budgets de l'armée... Oui. Et puis on reparlera de la politique hospitalière aussi. Les milliards donnés... pour ces vaccins qui ne servent pas à grand-chose et qui sont inutiles vu l'évolution de l'épidémie. Avec ça, on pourrait construire plusieurs hôpitaux, des porte-avions. Payer des infirmières correctement. Voilà, même des sous-marins nucléaires. Oui. Et l'argent est mis ailleurs. Et d'où vient tout cet argent? Et on est en train de vider les caisses de la Sécu. La Sécu avait 5 milliards de déficit, je crois, quand Emmanuel Macron est arrivé. En février, c'était 55 milliards. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Les hôpitaux publics ont continué à supprimer des lits. Olivier Véran avait dit au mois de mars l'année dernière, oh ben je vais doubler le nombre de lits de réanimation. Ben j'attends toujours, monsieur Véran, sans vos lits. Or, toute la politique actuelle se base sur le nombre de lits en réanimation, en fait. Oui. Il vous justifie de tout par le fait que les urgences, enfin les services de réanimation sont complètement saturés. Parce que tout part de là, c'est le vecteur commun, en fait. Mais en fait, dans les réanimations, il y a eu quelques cas très graves, je concède, parce qu'ils n'ont pas été traités avant. S'ils avaient été traités avant, ils ne seraient, seraient pas retrouvés en réanimation. Ils restaient chez vous avec le Doliprane. Oui, ce qu'on m'a dit. Après, ils arrivaient aux urgences, ils devaient poireauter le temps qu'une place qui se libère quelques jours. Puis après, en réanimation, ils étaient vraiment mourants. Et voilà, et là, il y a eu des cas très sévères, je reconnais. Mais beaucoup de gens, ces derniers mois, en réanimation, n'étaient pas si sévères que ça. Mais les réanimations étaient remplies de malades moyennement graves, c'était pas habituel. Et surtout, moi, j'ai vu des réanimations où les gens restaient en réanimation jusqu'au retour à domicile. Moi, c'est des choses que j'ai jamais vues de ma carrière de médecin. Donc voilà, il y a des choses qui ont été totalement illogiques sur le plan médical. Alors, on va quand même, avant d'attaquer le volet juridique, prendre faire part des de nombreuses réactions des auditeurs du Libre Journal de la Liberté de Penser. Donc, il y a une auditrice qui nous dit « Très heureuse d'entendre ce professeur. Il faudrait mettre le serment d'Hippocrate dans toutes les rues et le placarder. » Pourquoi pas, hein, parce qu'il est largement bafoué en ce moment. Un auditeur, avez-vous entendu parler d'un nouveau variant, un C12, montrant d'un variant venu de Turquie et très dangereux? Ben, les variants, on va vous en sortir tous les jours pour vous faire peur. Oui, le variant Delta, ça marche bien. Le variant Delta, on l'a sorti pour faire peur aux gens, pour qu'ils courent se faire inoculer ces pseudo-vaccins. Le variant Delta, il est beaucoup moins dangereux que le virus d'avant. Vous savez, ben même, j'avais rigolé il y a quelques mois parce qu'il y avait le variant alsacien, le variant breton. Mais en fait, on n'a plus le droit de voyager, mais grâce aux variants, on fait le tour du monde. Voilà. Non, mais ça devient ridicule, ces histoires de variants. Et si on veut qu'il n'y ait plus de variants, il faut arrêter de vacciner. Ce sera terminé du jour au lendemain, parce que maintenant, c'est prouvé scientifiquement que ce sont les vaccins qui sélectionnent ces variants. Alors, émission très intéressante, mais lorsque vous annoncez la deuxième vague et la troisième vague, toujours moins virulente, ne peut-on pas nous opposer la grippe espagnole, dont on sait que la deuxième vague fut très mortelle? La grippe espagnole, on sait que beaucoup de gens à l'époque, c'était pendant la guerre de 14, il n'y avait pas d'antibiotiques, il y avait le stress de la guerre, il y avait la malnutrition. Les gens sont morts souvent de surinfection bactérienne parce que c'était pas le virus toujours qui était très dangereux, c'est que bon, il a beaucoup fragilisé, il était quand même assez virulent. Oui. Il y a eu des morts. La mortalité était beaucoup plus élevée. Ah, bien sûr, hein. Mais ouais. Parce que les gens sont morts de surinfection bactérienne à pneumocoque, à bactéries, il n'y avait pas d'antibiotiques. D'ailleurs, on voit que les antibiotiques, même les médecins généralistes, ces derniers mois, qui avaient pu accès à l'hydroxychloroquine, quand ils ont traité qu'un antibiotique comme l'azithromycine, si c'était donné suffisamment tôt, ils avaient quasiment 100% de succès. Moi, j'ai des groupes de médecins généralistes. Le jour où ils ont utilisé l'azithromycine, ils ne passaient plus les patients à l'hôpital et même pas en réanimation. Et on sait que ces antibiotiques ont des propriétés antivirales aussi, ce qu'on ne connaissait pas avant. Donc, il ne faut pas trop comparer avec la grippe espagnole, qui était dans l'histoire la grande pandémie qui a fait le plus de dégâts. Mm-hmm. Et c'est vrai. Oui, et beaucoup de morts, c'est d'ailleurs. C'est tout à fait vrai. Mm-hmm. Mais on n'est pas du tout dans les taux de mortalité de la grippe espagnole. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. 0,05%. Voilà. Il faut arrêter. Mm-hmm. C'est ce qu'on voit tous les ans avec n'importe quel virus respiratoire maintenant. Alors, Je suis obligée de trier un peu les réactions. Un auditeur nous dit, un ami chercheur à Pasteur, ils ne font pas de vaccin ARN. En ce moment, ils préparent un autre vaccin. Que pensez-vous du nouveau variant turc ? Tiens, on nous en parle encore. Je n'avais pas entendu parler de celui-là. Le pass sanitaire est fait pour surveiller la population. Le pass sanitaire est fait pour mettre sous contrôle la population et nous surveiller. Ce n'est pas du tout une mesure sanitaire. Parce que on dit aux gens, les tests PCR dans le nez en plus sont très dangereux parce qu'ils vous raclent la base du cerveau. Parce que normalement, un test PCR jusqu'à avant le Covid, on rentrait un petit tuyau de quelques centimètres dans le début de la narine pour aspirer les sécrétions et ça marche très bien. Le virus, il n'est pas uniquement... Pourquoi on vous inocule cette tige très profondément pour vous racler ce qu'on appelle en médecine la lame criblée de l'ethmoïde, c'est un terme un peu technique, mais c'est une fine lame osseuse par où passent les fibres du nerf olfactif. Donc, c'est notre cerveau primitif qui est entre le nez et la racine. C'est rassurant. Et quand on gratte cet endroit-là, ça crée des lésions. D'ailleurs, beaucoup de gens saignent et ont mal pendant plusieurs jours après. Ont des réactions inflammatoires terribles au niveau de la tête, des sinus, parce que ça irrite le cerveau. Et c'est très dangereux, ces tests PCR qui sont faits dans ces conditions. On devrait faire des tests salivaires ou des tests à l'entrée de la narine. Mais tout ça, ça a été ça a été voulu. Il n'y a aucune justification scientifique à vous rentrer ce tuyau jusqu'au fin fond de la narine. Alors, je continue avec d'autres réactions. C'est une auditrice. Je devine votre réponse, mais elle vous le demande. Je transmets l'information. Est-ce que le professeur accepterait de donner à l'antenne des généralistes qui délivrent des traitements contre le coronavirus, puisqu'ils n'acceptent pas tous donner en l'antenne les coordonnées de ces médecins? Est-il possible? Ah ben non, ça je ne peux pas, mais en plus... Tout médecin qui a prêté le serment d'Hippocrate est tenu et doit traiter les gens, puisqu'il y a des données scientifiques qui montrent que les traitements marchent. Donc, c'est-à-dire que ces médecins vivent simplement dans la peur des agences régionales de la santé, etc., des menaces, mais ils ont droit de prescrire. Heureusement, beaucoup de médecins continuent de prescrire. Et ça, il faut leur rendre hommage, parce que grâce à eux, il y a eu des centaines de milliers de gens sauvés en France, si ce n'est pas plus. Et alors, un autre auditeur aussi nous parle des tests PCR avec ce que vous avez dit et parle des tests salivaires, les autotests. Ça ne démarre pas beaucoup, ça. Ben oui, parce que nos autorités ont tout fait pour freiner les tests qui n'étaient pas traumatiques. On nous punit, quoi. Voilà, vous êtes punis. Mais il y a des médecins qui peuvent faire des certificats de contre-indication aux tests profonds pour déviation de la cloison nasale. Ou je sais pas, et ça marche. On a le droit de faire. Maintenant, il paraît qu'aussi, on a le droit de faire les autotests. Il faut qu'ils soient simplement validés par un professionnel de santé. Ça rentre dans le pass sanitaire, ça? Tout à fait. Très bien. Alors, on n'est pas obligé de se faire imposer la tringle à rideau dans le nez, là. Oui, ce qui n'est pas agréable, mais bon, que j'ai subi plusieurs fois, malheureusement. Bien contrainte et forcée. Je ne suis pas la seule. On va faire une petite pause musicale qui reste dans le sujet. Vous allez comprendre pourquoi. Merci Benoît. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème... Parle le deuxième, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. En cœur, ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité. s'enivrer de discours, pas de vin. Rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Eh bien, écoutez, merci à Guy Béard, donc, qui a repris, ou c'est peut-être l'inverse, professeur Perron, en tout cas, le sous-titre de votre deuxième livre. Décidément, ils n'ont toujours rien compris aux éditions Albin Michel. Le sous-titre était celui qui dit « La vérité doit être exécutée ». On essaye en tout cas de la donner et donner un autre angle dans cette émission, dans ce libre journal La Liberté de Penser. Alors, Guillaume Leroy, on va attaquer le côté juridique, mais professeur Perron intervenait aussi sur le pass sanitaire puisque ça vous concerne. Guillaume Leroy, je rappelle que vous êtes au cercle Droit et Liberté, que vous êtes un pénaliste. Et que vous êtes ici pour nous parler du pass sanitaire. Alors, le pass sanitaire, moi, je me souviens, hein, puisque maintenant, ça fait de nombreux mois que je fais cette émission, c'était absolument inconcevable, allez, il y a 6 mois encore. Rappelez-nous ce qu'est le pass sanitaire, les conditions. Faites-nous un petit peu, hein, dressez-nous le décor de cet outil épouvantable qu'on nous impose. Alors, il y a quelques mois, déjà, le président de la République disait qu'il n'imposerait jamais le pass sanitaire parce que c'était une mesure extrêmement discriminatoire. Or, le 12 juillet, il a annoncé que ce pass sanitaire serait imposé dans les lieux qui regrouperaient plus de 50 personnes. Tout en disant, ne vous inquiétez pas, jamais le pass sanitaire ne sera étendu aux activités du quotidien. Or, il l'a annoncé, donc le 21 juillet, ce serait étendu aux activités du quotidien. Il faudrait pour cela une loi qui serait votée par le Parlement. Cette loi a été adoptée par le Parlement, donc par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le ça a été largement adopté pour voir s'il y a encore une opposition en France au Parlement. Il n'y a pas eu beaucoup de débats à l'Assemblée nationale parce que déjà les députés ne sont pas beaucoup déplacés pour pouvoir voter. C'est affreux. Il me semble que l'Assemblée nationale, c'est quand même 577 députés et ça a été adopté par 130 voix, je crois. Voilà. Donc le peu qui était là, c'est pas vraiment opposé, on va dire. Voilà. Le Sénat l'a voté en admettant qu'ils avaient dû voter ce texte de loi un pistolet sur la tempe. Mais qui tient le pistolet? Parce que quand on est sénateur, normalement, on est libre quand même. Normalement, on est libre, mais la difficulté, c'est que ça reste des élus et doivent prendre en compte obligatoirement le discours ambiant pour pouvoir être réélu un jour. Et donc, ils ont estimé que le discours ambiant allait plutôt dans le sens d'une acceptation du pass sanitaire. Et donc, ils ont voté et adopté ce pass sanitaire. Donc, opposition politique néante. Opposition politique néante. Ce pass sanitaire donc, a été validé par le Conseil constitutionnel le 5 août et est entré en vigueur le 6. Donc, le 9 août... Les établissements, donc les restaurants, les lieux d'activité et de loisirs, les foires, les salons, et ça, gravissime, les établissements de santé, doivent demander le pass sanitaire pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur de ces lieux. Donc d'abord, ça a été imposé aux clients et aux usagers de ces lieux. Et depuis avant-hier, donc le lundi 30 août, c'est aussi imposé pour les salariés qui travaillent dans ces lieux. Donc si le salarié n'a pas de pass sanitaire, il ne peut pas venir travailler. Donc ça concerne les grands magasins, les centres commerciaux, on s'en y reviendra, de plus de 20 000 m², les déplacements longue distance, ça veut dire la SNCF, tout ce qui est TGV. Juste les TGV, bus. Pas les TER, pas le métro, pas le RER, simplement les TGV, tous les déplacements interrégionaux. D'accord. Ce qui n'a pas grand sens puisque le TGV, on est quand même relativement moins serré dans un TGV que dans un métro. Oui, mais il faut laisser quand même les gens un peu aller travailler... Bien évidemment, c'est un peu... Sinon, c'est... Voilà. Ouais, donc, c'est à géométrie variable, intérêt... Oui. Tout ce qui est restauration, bar, restaurant, y compris en terrasse. Y compris même en dehors. Terrasse, ouais. Ça, Réjouissant. À l'exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, j'ai lu ça, vous m'interrompez. De la restauration professionnelle routière et ferroviaire. Et alors, est-ce qu'on peut aller dans un hôtel sans le pass sanitaire? Alors, j'ai un... On peut peut-être aller y dormir, mais je pense qu'on ne peut pas y prendre le petit déjeuner. Bah, potentiellement, oui. Mais il me semble que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lieux qui ne sont quand même pas soumis, heureusement, à ce pass sanitaire. Les hôtels, il me semble qu'ils ne sont pas soumis. Les universités et les bibliothèques universitaires, mais pas les bibliothèques municipales. Hein. Les bibliothèques universitaires sont libres d'accès. D'accord. Mais pas les bibliothèques municipales. Les bibliothèques municipales, il faut avoir un pass sanitaire. Je ne sais pas pourquoi. Oui, moi non plus. Mais il y a quand même des lieux encore où on peut accéder sans pass sanitaire. D'accord. Donc, le pass sanitaire, c'est quoi? Alors, le pass sanitaire, c'est un QR code qui nous permet de démontrer que, à l'instant où nous avons fait un test, nous ne portons pas, nous sommes pas porteurs du Covid. Donc ça, c'est pour les tests. Il y a aussi c'est une capacité de démontrer que nous sommes vaccinés à double dose et que nous avons eu un certificat de rétablissement. Où? Alors, ce certificat de rétablissement, il est établi par un médecin. Non, je dis où que nous ayons... Ah oui, pardon. Voilà. Oui, c'est une des trois. C'est soit un test, soit une vaccination double dose. On ne donne pas de mauvaises idées, déjà, qu'ils n'ont pas besoin de nous. ou alors un certificat de rétablissement qui est établi donc par un médecin. Alors ça, bonne chance. Hein. Donc oui, effectivement, déjà, il faut aller voir un médecin. Avec des durées, on l'a vu, professeur Perron, c'est moins PCR, et non pas antigénique, d'attendre moins de 6 mois démontrant qu'on a été positif au Covid. Et donc, ce sont ces trois moyens pour avoir un pass sanitaire valable. Voilà. Le test, si l'on fait un test et qu'il est négatif, le pass sanitaire est valable que 3 jours. Voilà, si le test est PCR, pas antigénique. Hein. Antigénique, ça fonctionne aussi. C'est moins long. Non, c'est 3 jours aussi. 3 jours aussi, oui. 3 jours où vous pouvez aller courir dans les cinémas, les musées, les restaurants. Exactement. Tout en étant formidable. Tout en n'ayant plus attrapé le Covid à la sortie de la pharmacie dans laquelle vous avez fait votre test. Hein. Ça, c'est possible. Ouais. Alors, ce pass sanitaire, il est très critiqué, notamment par les juristes. Ah. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'entend pas beaucoup d'opposition. J'aime bien vous entendre dire qu'il est très critiqué, mais... Alors oui, il y a notamment plusieurs professeurs de droit. Je citerai à ce titre le professeur Cassia de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a, lui, émis plusieurs critiques. La première, c'est que ce pass sanitaire va créer une vraie fracture dans la société française entre les personnes qui peuvent avoir une preuve de la non-contamination par le Covid et ceux qui ne peuvent pas prouver qu'ils n'ont pas été contaminés par le Covid. En gros, ceux qui ont le pass sanitaire et ceux qui ne l'ont pas. Première critique. Deuxième critique, on passe dans une société de contrôle, qui est cette fois non pas assurée par la police, ce qui est normalement son rôle, mais un contrôle assuré entre citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être concrète, parce que c'est des réponses que je n'ai pas encore. Le restaurateur a le droit de contrôler votre identité par rapport à ce que vous lui montrez sur votre téléphone? Pas l'identité, mais donc votre passe. Donc je peux prendre le passe de n'importe qui, parce que mon identité, il n'a pas le droit de la contrôler. Tout à fait. Donc, ça montre... Donne pas de mauvaise idée aux auditeurs. Non, mais ça montre déjà que le pass sanitaire n'est pas particulièrement efficace puisque le cafetier, le propriétaire du cinéma ne peut pas vérifier votre identité. J'en connais qu'ils font quand même. Mais j'ai vu des restaurants, moi je ne suis pas rentré, mais je regardais la queue qui était très longue devant des restaurants. Il y avait des hommes de sécurité à l'entrée qui vérifiaient les cartes d'identité. Et c'est illégal, mais ça se fait. Oui, parce que c'est, à part la police, peu de personnes ont le droit de contrôler l'identité des gens. Hein. Bah, non, mais effectivement, avec la police, et ça c'est prévu par le code de procédure pénale. Exactement. Mais ça pose effectivement un problème majeur qui est, est-ce qu'on peut aujourd'hui élargir ce contrôle du citoyen par un autre citoyen? Donc aujourd'hui, je vais au restaurant. Si le restaurateur me demande de justifier de mon identité, je peux lui dire qu'il n'a pas le droit de le faire. Ah oui, vous devez refuser. Et ça crée de l'emploi parce que j'ai vu, et ça tourne sur les réseaux sociaux ce matin, que dans certains sites d'annonces, on recrute des contrôleurs de passe sanitaire. Drôlement bien payés d'ailleurs. Et alors, il y a aussi des bénévoles qui le font parce qu'il y a certaines villes, ils ont rien compris, villages où dans les bars, les personnes ne trouvent pas de gens pour vérifier le passe sanitaire et ce sont des retraités qui se proposent bénévolement pour aller... En tout cas, ça fait une économie souterraine. Oui, ça fait une économie souterraine. Oui. Et puis, il y a les 60 millions par mois, il me semble, qui sont investis par la PHP pour avoir des vigiles à l'entrée des établissements de santé. Oui, on aurait tellement de besoin ailleurs. Ça, c'est... Je voudrais juste dire, pour le Conseil constitutionnel qui a validé ce qu'a dit le Parlement, c'est un peu gros le conflit d'intérêts, parce que Laurent Fabius est président du Conseil constitutionnel et son fils est le responsable de McKinsey en France, qui est la boîte internationale d'origine américaine, qui fait la publicité pour l'équipe d'Emmanuel Macron pour la vaccination. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, les médias n'en ont pas parlé de ça. Pas tout ça, très peu en tout cas. Ça c'est le... Vous faisiez conflit d'intérêts et lien d'intérêts, je pense que les deux sont réunis là. Et je pense qu'on je vais réaborder après le Conseil constitutionnel. Et justement, je réaborderai l'angle juridique du conflit d'intérêts qui a pu potentiellement se passer entre Laurent Fabius et son fils. Et donc là, est-ce qu'on peut imaginer, enfin, je reviens sur le contrôle des citoyens par un autre, est-ce qu'on peut imaginer qu'on nous demande si on a bien déclaré nos impôts avant de faire un achat ? Est-ce qu'on peut bien imaginer qu'on nous demande un extrait de casier judiciaire avant de rentrer à un concert ou dans un stade ? Ça n'a aucun sens et ça, c'est inimaginable. Pour autant, on a accepté aujourd'hui un contrôle des citoyens par un autre citoyen. Donc ça c'est la deuxième grande critique. Et la dernière critique, c'est que ce pass sanitaire est une atteinte grave à nos libertés fondamentales. Bon, personnellement, je ne suis pas libertaire. J'estime qu'on peut avoir potentiellement des restrictions à nos libertés, mais à condition que la restriction soit proportionnée à l'atteinte qui sont faites à mes libertés. Le pass sanitaire, aujourd'hui... Justifié par un danger, pour faire simple. Qui est justifié par le potentiel avantage que cela produirait pour la protection de la santé publique. Oui. Mais ça, c'est ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Il a dit que ce n'était pas disproportionné. Mais en fait, il y a de grandes questions. Est-ce que la santé publique, c'est juste le Covid ? Ou est-ce que c'est d'autres maladies ? Comment est-ce que vous voulez justifier d'une proportionnalité quand on empêche des gens de suivre leur traitement parce qu'ils n'ont pas de pass sanitaire et qu'ils ne peuvent pas rentrer à l'hôpital ? C'est complètement disproportionné. Il y a une rupture d'égalité des citoyens aussi, ça c'est un droit constitutionnel. Oui, ouais, ça fait partie, c'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et là je peux confirmer, moi j'ai des témoignages de médecins et de patients qui avaient pris un rendez-vous depuis 3 mois pour une coloscopie pour dépister un cancer du côlon ou une rechute, qui avaient des rendez-vous de chimiothérapie, d'intervention cardiaque, etc. Et on les a jetés comme des malpropres à l'entrée de l'hôpital, de la clinique ou de la maison de santé, en disant vous n'avez pas de passe sanitaire, on ne vous prend pas. Et ça va être une perte de chance dramatique. Il va y avoir des gens qui risquent de mourir à cause du pass sanitaire. Donc le pass sanitaire est une aberration médicale. Oui, surtout qu'en fait, on essaye de savoir quels sont les avantages que procure ce pass sanitaire. Mais même le docteur, alors je cherche son nom, Cauchemery, qui est donc membre du conseil scientifique, qui conseille le président de la République, a dit, avant l'entrée en vigueur de ce pass sanitaire, que les avantages, enfin les effets du pass sanitaire seraient difficiles à anticiper. Donc clairement, le gouvernement a fait adopter une mesure extrêmement attentatoire aux libertés sans pour autant affirmer le moindre avantage de cette mesure. Oui, ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est un frein au Covid. En plus, ça n'a aucun sens. Parce que la vaccination amplifie le Covid, donc c'est faux. Alors non, mais surtout, ce qui est certain, c'est que le pass sanitaire n'empêche pas finalement la propagation du virus. C'est pas parce que vous allez dans un lieu où vous avez un pass sanitaire que vous ne pouvez pas attraper le Covid dans un lieu. Dans ce restaurant, par exemple, vous allez dans un restaurant, vous avez votre pass sanitaire. Oui. Rien n'empêche votre voisin de l'avoir, puisque s'il a un test d'attendre 3 jours, il a pu l'attraper. Il peut même être vacciné et l'avoir, ce que vous nous avez dit, professeur Perron. Il peut l'avoir. Bon, d'accord. Donc en fait, ce pass sanitaire ne sert strictement à rien pour ce qui est côté sanitaire. Donc concrètement, le Conseil constitutionnel n'aurait jamais dû le valider. Mais il a utilisé, encore une fois, la théorie des circonstances exceptionnelles et d'un objectif qui serait potentiellement poursuivi par le législateur et qui permettrait de valider ce pass sanitaire. C'est la décision, c'est la motivation du Conseil constitutionnel, c'est les deux motivations principales. L'atteinte aux libertés n'est pas disproportionnée car justifiée par la protection de la santé publique. Et que ces mesures sont nécessaires car elles sont adaptées aux circonstances exceptionnelles. Donc tout et n'importe quoi, un grand sac fourre-tout, quoi. Absolument pas défini, effectivement. Donc le Conseil constitutionnel est venu aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel, dans l'imagerie collective, c'est un espèce d'organisme qui serait contre-pouvoir, en fait, et qui serait là pour défendre l'intérêt commun. C'est un peu notre représentant, et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un organisme qui est politique. D'ailleurs, rien que la constitution du Conseil constitutionnel, elle est politique. Rappelez-nous de qui il est constitué, le Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est effectivement une instance complètement politique. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont nommés, donc, par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, qui va en nommer 3 chacun. Il n'y a aucun critère pour pouvoir être nommé au Conseil constitutionnel. Vous pourriez l'être, le professeur pourrait l'être, et moi aussi. Le professeur Perron attend, je pense. Ça devrait être rapide. Il n'y a pas besoin d'être toujours attendu, je pense. Malheureusement, oui, ça apparaît. Pour l'instant. Mais il n'y a pas besoin d'être un juriste, un éminent juriste, pour pouvoir être nommé président du Conseil constitutionnel. C'est de la cooptation? C'est de la cooptation, c'est une nomination complètement discrétionnaire. Il n'y a pas les anciens présidents de la République. Alors, eux, ils n'y siègent plus pour la plupart. Oui. Le dernier à y siéger, c'était Valéry Giscard d'Estaing, mais il est mort l'année dernière, ou il y a deux ans, donc il ne peut plus y siéger. Le président Nicolas Sarkozy a dit qu'il n'y siégerait plus, étant donné qu'il avait été mis en cause dans de nombreuses affaires judiciaires. Et François Hollande avait dit que lui refusait d'y siéger parce que c'était une sorte d'avantages républicains qui n'étaient pas c'était bien rémunéré aussi. Hein. Parce que c'est très bien rémunéré. D'accord. Donc en fait, le Conseil constitutionnel, c'est un organisme politique. Exactement. Et alors lui, quel est son rôle ? C'est finalement de vérifier qu'une loi qui est votée par le Parlement n'est pas contraire à la Constitution. D'accord. Tout simplement. Donc, en l'espèce, dans la décision qu'ils ont donnée le 5 août, ils devaient vérifier si la loi de gestion de la crise sanitaire n'était pas contraire à la Constitution. Mais en réalité, c'est donc en fait comment concrètement ça fonctionne. C'est-à-dire que normalement une loi est votée et en attendant qu'elle entre en vigueur, soit des parlementaires, soit le président de la République ou le Premier ministre peuvent déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel pour qu'il fasse son examen de constitutionnalité. Là, ça a été le cas, c'est le Premier ministre qui l'a amené devant le Conseil constitutionnel. Mais le justiciable lambda, donc vous et moi, nous n'avons rien à dire. On peut pas apporter normalement, on peut pas se d'éléments. On peut apporter des éléments, mais c'est des éléments qui peuvent être potentiellement pas pris en compte. Nous l'avons fait avec le cercle droit et liberté, où nous avons proposé ce qu'on appelle une contribution extérieure, mais nous n'avons aucune certitude que cette contribution extérieure soit prise en compte, ou même lue, potentiellement, la contribution extérieure du cercle droit. D'un autre côté, on se dit, la Constitution, elle est écrite, hein. C'est conforme ou pas, ça paraît pas tangent comme analyse, c'est pas très subjectif. Mais le problème, c'est que le Conseil constitutionnel joue avec la Constitution. Parce qu'elle crée d'ailleurs des droits constitutionnels en fonction de principes qui sont potentiellement présents dans la Constitution. On l'a vu avec la reconnaissance du principe de fraternité dans la devise de la République. Normalement, expliquez-moi ça, je n'ai pas compris l'intérêt là, du principe de fraternité. Le principe de fraternité, ça a été découvert créé par le Conseil constitutionnel en se basant sur l'article 1er de la Constitution. Créé quand ça ? En 2018. D'accord. Pour faire annuler le délit de séjour, le délit de séjour aux personnes présentes illicitement en France. D'accord. Donc on aurait un droit. Ah oui, d'accord. Donc la fraternité imposerait qu'on supprime ce délit. Conseil constitutionnel, normalement. Il a créé un droit qui, normalement, n'a aucune efficience juridique. Le principe de fraternité, c'est une devise. On ne devrait pas en tirer un droit constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel fait un peu ce qu'il veut avec le droit. Il l'a fait encore une fois avec le pass sanitaire en disant que l'objectif de protection de la santé devait primer sur toutes les autres règles et que, par conséquent, le pass sanitaire serait valable. Et donc, il a laissé faire, encore une fois, le gouvernement. Parce que là, il y avait vraiment une fracture entre individus, une rupture d'égalité. Enfin, c'était. Un enfant de 5 ans aurait pu vous le dire. Mais ça ne va pas durer. Je suis très optimiste. Oui. Ce pass sanitaire, il ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, la France est un des rares pays au monde où ça a pris des proportions pareilles. Il y a très peu de pays qui ont imposé ça. Et même Israël, qui avait imposé un pass sanitaire il y a 2-3 mois. Vous savez que ça fait déjà plus de 2 mois que le passeport sanitaire a été aboli en Israël. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis israéliens, des médecins qui m'appelaient régulièrement. Et ils m'ont dit que le pays était au bord de la guerre civile, les familles étaient déchirées. Oui, je pense que nous aussi. Hein. Et le gouvernement a dû faire marche arrière. Moi, j'ai des témoignages partout de familles qui se déchirent aussi autour de ça. Oui, donc, c'est pour ça que la population va être de plus en plus dans la rue. Et quand on va commencer à toucher aux enfants à la rentrée, à mon avis, ça va être l'explosion. On ne touchera pas aux enfants qui ne font pas de forme grave. Il n'y a pratiquement pas eu de mort vraiment qui se compte sur les doigts d'une main en un an et demi. Non, mais on va vous dire qu'ils transmettent. Non, ils ne transmettent pas parce qu'ils ne font pas de symptômes ou très peu. Donc, quelqu'un qui ne fait pas de symptômes ne transmet pas. Quand on dit que des asymptomatiques peuvent transmettre, c'est quelqu'un qui est en train d'incuber la maladie, donc un adulte, pas un enfant, et dans les 2 jours qui précèdent les premières toux, qui a un peu de virus dans ses sécrétions, oui, c'est possible. Il peut y avoir une petite transmission comme ça par des gens qui n'ont pas encore de symptômes, mais dans des populations susceptibles de faire la maladie. On sait que les enfants ne font pas la maladie, donc il n'y a aucune raison. Et on va vous inventer des épidémies dans les écoles avec les faux tests PCR. Parce qu'ils déjà. Ils vont faire des tests partout. Ils vont dire, cette école, il y a 10 cas. Alors que ce n'est pas 10 cas, c'est 10 PCR faussement positifs. On va fermer l'école. On va réunir les parents en disant, vous êtes criminels. C'est à cause de vous que les autres enfants sont à risque. Et alors que même s'il y a eu des tests positifs, c'est peut-être aussi les vaccinés qui ont amené le vaccin dans l'école. Parce qu'on sait que les vaccinés transmettent beaucoup. Alors, merci à Françoise, qui est notre bénévole aujourd'hui, qui est au standard, parce qu'on me dit que le standard est en train d'exploser. Donc ça, c'est merci à vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Juste deux secondes, je les lis en vrac, on ne pourra pas répondre à tous. Donc un auditeur qui nous dit « Merci de préciser qu'il faut impérativement un pass sanitaire pour se rendre à l'hôpital, y compris pour une consultation importante prévue depuis plusieurs semaines. » Point d'exclamation. « Seuls les cas d'urgence en sont exonérés. Un véritable scandale de santé publique. Bonne fin d'émission. » Ça, on l'a dit, professeur. Ça va faire des morts. Il faudra que le gouvernement assume tout ça. Il y aura sûrement des recours. Enfin, j'espère qu'il y aura des recours, Guillaume Leroy. Alors, normalement, oui, il y aura des recours. Il y a des recours possibles. Et j'invite d'ailleurs tous vos auditeurs à, dès qu'ils se rendent compte que le pass sanitaire leur crée une problématique, d'aller s'adresser à un avocat. Pas une problématique, mais un préjudice. Un préjudice, excusez-moi, je cherchais le mot. Que ce soit notamment dans le travail. S'ils perdent leur travail ou s'ils sont suspendus parce qu'ils n'ont pas de pass sanitaire, il faut qu'ils se rapprochent d'un avocat spécialisé en droit administratif pour que potentiellement on puisse imaginer un recours devant le Conseil d'État ou devant les tribunaux administratifs. Il faut multiplier les recours et ce sera facile. Et ces recours peuvent être utiles. Pourquoi ? Il y a le très bon exemple cette semaine. Plusieurs avocats ont fait des recours contre la soumission de l'entrée dans les centres commerciaux au pass sanitaire. Et plusieurs recours ont abouti à une annulation de l'arrêté préfectoral. Tous ? Quasiment tous. Il y a les Hauts-de-Seine, les Yvelines, et il me semble qu'il y a un département de l'Est. Mmh. Et donc maintenant, aujourd'hui, concrètement, dans ces départements, vous pouvez entrer dans les centres commerciaux sans pass sanitaire. Et ça, c'est parce qu'il y a des citoyens qui se sont mobilisés pour arriver à une telle décision. Voilà, très bien. Alors, j'y vais. Je vois une auditrice qui me dit « Le pass a été suspendu dans certains centres commerciaux, les Yvelines, mais pas en Seine-Saint-Denis, où ces populations sont plus modestes. Pourquoi cette distorsion juridique ?» C'est juste une question qu'il n'y a pas eu de recours encore, exactement, mais ça va venir, pour répondre à notre auditrice. Hein. Un auditeur nous dit « Les restaurateurs et autres qui réclament le pass sanitaire ne sont que des capots volontaires embauchés dans les camps pendant la guerre. » Bon, ça, on va lui laisser les responsabilités de ses propos. Merci à l'auditeur. Une auditrice qui nous dit « Peut-on savoir pourquoi le président change de méthode tous les jours ?» Alors là, il faudrait une émission, on n'a plus le temps, donc on passe. Hein. Vous êtes d'accord, Guillaume Leroy ? On passe sanitaire, c'est ça. On en reviendra, il faudrait du temps pour... Et je ne sais même pas si on y arriverait d'ailleurs. Un auditeur, merci d'être là pour nous, point d'exclamation. À la médiathèque de Paris, il faut un pass. Un non-vacciné ne peut pas emprunter de CD dans les médiathèques. Absolument scandaleux. Une auditrice nous dit « Une femme ingénieure en pharmacie ne veut pas être vaccinée, elle va perdre son travail. Que peut-elle faire ?» Ça, vous pouvez nous répondre, Guillaume Leroy. Ben justement, il faut qu'elle fasse un recours, tout simplement. Parce que non, tribunal administratif. Devant le tribunal administratif, pour essayer de faire soit reconnaître que son licenciement potentiellement... Alors ça, c'est plus devant les tribunaux civils. Faire reconnaître que son licenciement est nul pour une absence de cause réelle et sérieuse. Ce qui n'est pas prévu par la loi. L'absence de vaccination, ce n'est pas prévu par la loi comme étant une cause réelle et sérieuse. Donc on peut contester son licenciement devant les tribunaux prud'homaux. Donc ça, je pense qu'il faut y aller. Après, malheureusement, pour la subordination du travail, d'aller dans son lieu de travail par le pass sanitaire, il n'y a pas de décret d'application. Donc c'est directement la loi qui le dit. Et la loi a déjà été validée par le Conseil constitutionnel. Donc malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose sur ce point précis. Et alors du coup, ce que vous disiez, pour redire la règle, parce que ce n'est pas facile, hein, il faut s'y retrouver, donc sont obligés de se faire vacciner les salariés qui travaillent dans des lieux où ceux qui rentrent dans ce lieu sont eux-mêmes obligés d'être vaccinés. Exactement. Il y a une espèce de réciprocité, on va dire. Donc je vais répéter les lieux, c'est tout simplement les restaurants, les lieux d'activité de loisirs, les foires, les salons, les établissements de santé et les transports intra-régionaux. Interrégionaux. Oui, c'est ça. Donc, mais pas le métro. Mais pas le métro. Alors, le virus ne va jamais dans le métro, il prend que le TGV. C'est pour ça, voilà, c'est ça. Il est bien à grande vitesse, Coronavirus. un contrôleur de la RATP n'est pas obligé de se faire vacciner. Enfin, n'est pas obligé d'avoir un pass sanitaire, alors qu'un contrôleur de la SNCF qui travaille dans un TGV, lui, est obligé de l'avoir. Voilà. Pass sanitaire. On est en absurdie. Bon, les auditeurs de Radio Courtoisie l'auront compris. Professeur Perron, plutôt à vous cette question. Une auditrice nous demande, une personne qui a été vaccinée, pendant combien de temps peut-elle transmettre le virus ? Alors, ce n'est pas le vaccin qui transmet le virus. J'ai des tas de témoignages autour de moi que quand quelqu'un a été inoculé avec les vaccins ARN messagers, la protéine de pointe est produite par milliards. Elle s'en trouve dans les sécrétions respiratoires et des gens en contact direct. Moi, je l'ai vu parmi des gens que je connais, en fait, des symptômes proches du Covid, mais ce n'est pas le Covid lui-même, c'est qu'ils ont inhalé de la protéine Spike qui leur déclenche de la fièvre et des réactions. Mmh. Bon, ça, ce n'est pas épidémique, parce que ça s'arrête, il n'y a pas de réplication chez la personne qui a été contaminée par la protéine Spike. Après, le vaccin lui-même va faire produire cette protéine peut-être pendant des mois, des années par l'organisme. Après, le jour où cette personne va rencontrer le virus, on ne peut pas savoir quand, ça peut déclencher une réaction inflammatoire plus importante que s'il n'y avait pas eu l'inoculation de ces pseudo-vaccins avant. Alors, je finis. Félicitations pour cette... Merci, professeur Perron. Donc, une auditrice nous dit « Félicitations pour cette émission et au professeur Perron. Pour le juriste, je suis auxiliaire socio-éducative dans un établissement médico-social et suis soumise à la vaccination obligatoire à partir du 14 septembre. Qu'est-ce que je peux faire ?» Ne voulant pas être vacciné, vous avez répondu à la question. Alors, les gens ne savent pas quoi faire, mais je les comprends. C'est différent parce que là, on a parlé pour l'instant du pass sanitaire. Oui. Mais la loi du 5 août, dont j'ai parlé tout à l'heure, impose aussi une obligation pour le coup vaccinal pour les personnes qui travaillent auprès des personnes dites fragiles. Ah voilà. Donc d'accord. Concrètement, toutes les personnes, tout le personnel soignant, les sapeurs-pompiers, les personnes travaillant dans les EHPAD, eux, pour le coup, c'est pas un pass sanitaire qui est obligatoire. Alors, l'obligation vaccinale, maintenant, s'impose aussi pour les policiers. Ah. Mais parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de critiques, parce qu'on allait dire qu'on fait vérifier par la police des passes sanitaires, alors qu'eux n'en ont pas et ne sont pas vaccinés. Donc ça, maintenant, obligation pour les policiers aussi. Obligation pour les policiers aussi. D'être toutes ces personnes-là ne peuvent pas prouver. Ne peuvent pas prouver qu'ils n'ont pas tout simplement le virus parce qu'ils ont été testés, mais ils sont obligés d'être vaccinés pour pouvoir travailler. Donc là, on ne leur propose même pas un test ou un certificat d'établissement. D'accord, vous faites bien de faire la distinction, effectivement. Donc eux, obligation d'être vaccinés. Obligation d'être vaccinés. Rappelez un peu les professions concernées. Donc le personnel de santé, les personnes, en fait, en gros, les pompiers, pardon, et les personnels des EHPAD. Mais plus largement, toutes les personnes qui travaillent auprès de personnes dites fragiles. Ou alors ça, le terme dite fragile... On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr, c'est que le personnel soignant, les sapeurs-pompiers volontaires ou ceux de la BSPP, et les personnels travaillant dans les EHPAD, eux, doivent être obligatoirement vaccinés d'ici le 15 septembre. Si ça n'est pas le cas, ils sont mis en congé forcé, jusqu'au moment où cette personne démissionnera, parce que malheureusement... Alors, congé forcé non payé, non rémunéré, il faut quand même le dire. Un congé sans solde. Qui peut vivre sans être payé, hein. Eh bien, on pourra vivre peut-être un mois, voire deux, mais à la fin, ces personnes-là seront obligées de démissionner. Donc ça pose un gros problème, parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'on va faire face à une épidémie, qu'on fait une guerre contre une épidémie, mais dans le même temps, on va mettre à la porte des gens qui peuvent nous permettre de sortir de cette épidémie. Ça n'a aucun sens. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont mis de l'argent de côté en disant « tant pis, de toute façon, cette crise ne va pas durer éternellement, ça, à mon avis, ça va être terminé bientôt, mais je crois qu'il faut tenir et pas céder au chantage. » Et puis en plus, on dit le 15 septembre, c'est obligatoire, mais il y avait quand même dans les textes qu'il y avait une mesure un petit peu de rappel et que ça pouvait durer, je ne sais plus trop la date, jusqu'à fin octobre. Alors, donc ça ne va pas tomber pile le 15 septembre, contrairement à ce que dit le Premier ministre Castex, dans ce qui est prévu. Alors il y aura une période d'adaptation où on laissera potentiellement le personnel soignant. Et ça veut dire, alors attendez, parce que je reprends, j'essaie de discuter, de réfléchir à voix haute avec vous et avec les auditeurs. Les personnes fragiles, je travaille dans une crèche, personnes fragiles, les enfants? Non. Fragiles par rapport à quoi? Par rapport au Covid? Mais le professeur Perron vient nous dire que les enfants n'étaient pas touchés. Bah, donc ces enfants ne seront pas vus comme des personnes fragiles. D'accord, ok. Vu par qui, comment? C'est, encore une fois, c'est le gouvernement va à tâtons dans toutes les lois qu'il fait adopter. Ça nous promet une belle rentrée, ça, quand même. Mais les sénateurs sont fragiles parce qu'ils sont âgés. Donc ils sont âgés, oui. Il faut vacciner tous les sénateurs et tous les personnels du Sénat. Tous les parlementaires et tous les politiciens aussi. Donc ça, c'est au 15 septembre. Donc, au 15 septembre, à mon avis, on va avoir du... Alors, cette loi du 5 août, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est valable jusqu'au 15 novembre. Donc normalement, parce que c'est la fin normale du pass sanitaire et donc de l'obligation vaccinale. Sauf que le ministre Véran s'est déjà prononcé sur la question, a dit que tant que nous n'avons pas éradiqué ce virus, ce qui n'arrivera potentiellement jamais. Mais on ne va pas l'éradiquer parce qu'il va faire des tests PCR qui vont tous être positifs pour montrer que l'épidémie persiste. Donc, et puis honnêtement, on ne va pas l'éradiquer ce virus, on va vivre avec. Si on laissait les choses évoluer naturellement, comme ça s'est fait en Afrique, dans plein de pays, le virus il disparaît tout seul progressivement. Il y a quelques variants moins méchants qui vont circuler, mais bon, on s'en moque. Il y aura quelques personnes à risque qui peuvent faire une forme sévère, on les traite tout de suite et puis tout est réglé. Donc, évidemment, et les virus, bien sûr qu'on va vivre avec des virus pendant encore des siècles et des millénaires. S'ils conditionnent à l'éradication du virus. Mais non, parce que plus on inocule ces produits dits vaccins, plus on stimule des formes graves et plus on réveille le virus avec des variants. Donc tout ça est instrumental. Pourquoi ils veulent absolument vacciner des millions de gens? Parce que d'abord, tous les stocks de vaccins se périment pour beaucoup fin septembre, en octobre. Donc là, il faut qu'ils se débarrassent de tous ces stocks avant Puis ils ont atteint le plateau et le plafond de verre, vous l'avez dit. Surtout qu'ils ont dépensé des milliards pour ça, donc il faut rentabiliser l'opération. Mais Ça n'a aucun sens comme ça d'inoculer des populations entières qui ne sont pas à risque de formes graves. Ça n'a strictement aucun sens. Moi, j'aimerais que de temps en temps, plutôt que de dire que les gens qui disent ça sont des complotistes, qu'on me montre des données scientifiques sérieuses. Il y en a zéro. Même les médias, quand on dit des choses, ils disent « Non, tel expert a dit n'importe quoi. » Mais ça repose souvent sur des publications scientifiques sérieuses, sur la parole de gens qui sont des prix Nobel dans différents pays, sur des grands scientifiques qui ont fait 15 ans à Harvard ou dans des grandes universités. Ce n'est pas des uluberlus qui disent ça. Et en face, que ce soit le Conseil scientifique à l'Élysée... Conseil scientifique à l'Élysée ou les experts qu'on voit sur les plateaux de télé ne donnent jamais, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient donné une seule fois un argument scientifique sérieux, sauf l'étude frauduleuse du Lancet par exemple et d'autres études bidons qui sont sorties après. Et quand le monde entier, a quand même les médias ont accepté de dire que l'étude du Lancet qui disait que la chloroquine ne marchait pas était dangereuse, alors que c'était une étude complètement fausse, dont tout avait été inventé, quand l'étude s'était prouvée qu'elle était bidon, les médias l'ont à peine parlé et même le ministre n'est pas revenu sur son interdiction. Non, c'est qu'elle n'entend plus. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas la science. Il faut revenir à une médecine, à une science indépendante du fric. Là, on est dans un truc qui est immonde actuellement. Guillaume Leroy, pour finir sur le pass sanitaire. Et donc, comme je le disais, donc le 15 novembre, ça devrait se terminer. Mais le ministre Véran avait dit que ça allait être prolongé. Donc déjà, il se passe complètement de l'avis du Parlement, parce qu'en fait, ça va être... prolongé qu'à la condition que le Parlement l'accepte. Donc ça nous permettra aussi de voir si on a un Parlement qui est vraiment un contre-pouvoir ou pas. Et si donc le Parlement l'accepte, ça pourrait être prolongé jusqu'à une date ultérieure, on ne sait pas quand. Mais donc le ministre Véran avait dit que ce serait prolongé tant que le virus existerait. Et le professeur Jean-François Delfraissy, qui est le président du Conseil scientifique, a dit qu'on ne retournerait pas à la vie normale avant fin 2022, voire 2023. Donc ça veut dire que potentiellement... si on suit ce que dit le ministre Olivier Véran, le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants et pour les personnes travaillant auprès des personnes fragiles sera utilisé jusqu'en 2023. Je vois se poindre aussi les élections présidentielles. Bah, alors, faudra-t-il être vacciné pour aller voter? Alors, pour l'instant, il n'y a aucune obligation. Normalement, pour l'instant, non. S'il nous dit qu'il ne le ferait pas, on peut s'inquiéter quand même. Alors, justement, c'est bien ça le problème. Voilà. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dit que pour l'instant, ce n'était pas envisagé. Oui. Mais je le rappelle, on nous a aussi dit que le masque ne servait à rien. On nous a dit que jamais le pass sanitaire ne serait utilisé en France, que jamais il ne serait étendu aux activités du quotidien. Mais à chaque fois, on voit que le gouvernement revient sur sa parole. Et on se demande même si on peut vraiment les croire. Justifié par l'évolution de la situation. Voilà. Et donc, peut-être qu'en 2022, on aura une nouvelle vague ou même pas, ou une nouvelle vague imaginaire, et on nous dira que soit les personnes vaccinées peuvent voter, soit même on peut imaginer un décalage d'un an ou de 6 mois de l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que nous, on ne peut rien faire. Et dans ce cas, malheureusement... C'est quoi nos pare-feux là? Quels sont nos paratonnerres face à une démission de la démocratie? Si tous les parents d'élèves allaient devant l'école le jour de la rentrée en disant « on refuse », c'est fini. Dans 15 jours, il n'y a plus de passe sanitaire. Il faut que les gens se réveillent. C'est la population qui doit prendre ça en main et pas rester. Je n'accuse pas les Français d'avoir été des moutons. On les a tellement manipulés que les pauvres, ils étaient perdus. Mais maintenant, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils ouvrent les yeux. Ah bah justement, un auditeur dit merci à Madame Nguyen-Dieu. Le docteur Perron est optimiste quand il imagine que la population va se mobiliser quand on injectera ses enfants. Elle n'a pas bronché quand, en 2017, Madame Buzyn fit vacciner sans hésitation les bébés. On se voit. Néanmoins, je pense qu'il parle de l'obligation des 11 vaccins. Néanmoins, il paraîtrait que ces 11 vaccins étaient identifiés et connus quant à leurs effets secondaires. Est-ce vrai? Et bravo au docteur Perron. L'obligation vaccinale d'Agnès Buzyn, ce sont des vaccins qui étaient utilisés depuis années chez les enfants. Ça ne changeait pas énormément par rapport à une recommandation forte où déjà plus de 90% des enfants étaient vaccinés. Donc, je ne veux pas comparer des vrais vaccins avec ces produits aujourd'hui qui ne sont pas des vaccins. Je crois que c'est quelque chose de très différent. Moi, je suis pro-vaccinal à fond, je l'ai toujours dit. Oui. Mais là, ce ne sont pas des vaccins. On nous raconte des tarabistouilles à propos de ces produits. En tout cas, j'ai énormément merci, chers éditeurs de Radio Courtoisie, de réactions, de félicitations. On vous encourage, professeur Perron. Ça ne doit pas être facile, Je suis de plus en plus serein. Parce que c'est vrai que quand vous avez la vérité devant vous, en plus, quand ça se confirme partout dans le monde avec les publications scientifiques. Mais vous avez des appuis quand même autour de vous. Mais partout. Le monde entier me soutient. Oui. Quand vous regardez en France qui fait cette politique qui est totalement inconcevable, c'est un petit groupe à l'Élysée, c'est quelques députés qui sont aux ordres, c'est une minorité de Français. Et puis, et surtout, si les gens fermaient leur télé, il n'y aurait plus d'épidémie, ça serait réglé. Je crois qu'on entretient la peur. On vit dans une manipulation de la population basée sur la peur. Pourquoi on continue à garder tout le monde masqué dans le, pas mal de lieux? On va remasquer les enfants à l'école, ce qui est une horreur. Hein. Il y a des suicides d'enfants et les, une chute des capacités d'acquisition, ça a été prouvé. On va continuer à martyriser nos enfants, etc. Qui décide de ça? C'est une poignée de gens. Donc il faut que les Français réalisent. Même les préfets, ils sont aux ordres, mais il suffit qu'il y ait 2000 personnes devant une préfecture, c'est terminé. Il faut, je crois qu'il faut vraiment que les Français, puisqu'ils ne sont plus représentés, ils ne sont plus protégés par leur gouvernement, on n'est plus en démocratie aujourd'hui, si les Français ne se mobilisent pas, ils acceptent d'être esclaves et de subir. Parce que plus ils vont subir, plus on va leur remettre une couche de tyrannie dans 3 mois. Et après, ce sera les obligations, ce sera... Parce que, vous savez, les applications tous anti-Covid, maintenant, vous êtes surveillés partout, on sait qui vous avez croisé, il y a des logiciels... Mais c'est pour votre bien, professeur Perrin. C'est pour mon bien, oui. Est-ce que vous avez des nouvelles, pour finir, de notre nouveau retraité, le professeur Raoult? J'ai pas de ces nouvelles récemment, mais... Il profite de sa retraite, il pêche. Je pense à lui, et quoi, c'est assez lamentable ce qui s'est fait. C'est incroyable. Parce que vous parliez du professeur Delfrécy, c'est ça? Quel âge il a, lui? Delfrécy, oui. Il a quelques années de plus que moi. Moi, je dirais 73 ans. Parce que moi, j'ai 66 et quelques. Parce que moi, je l'ai connu interne. C'est quand j'étais étudiant en médecine, je l'ai remplacé comme interne un été. Donc, je le connais depuis... Ouais. Il n'a pas été mis en retraite, lui. Depuis 78. Je pense qu'il est en retraite de l'hôpital et de la faculté. Mais il est dans d'autres organismes avec l'INSERM. Alors là, pour certains, il y a des âges limites et pas pour d'autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Un dernier mot pour finir. On va finir avec le droit. Beaucoup, beaucoup d'auditeurs, je ne peux pas tous les citer, nous demandent, mais que peut-on faire? Les actions légales, où s'adresser? Voilà, dites-nous. Il faut systématiquement, quand on estime qu'on a un préjudice subi à cause de l'obligation vaccinale ou le passeport sanitaire, se rapprocher d'un avocat. Ça, c'est la première chose, parce que l'avocat sait où il faut aller. Maintenant, il y a aussi, comme le Cercle Droit et Liberté, des associations qui mènent des recours. D'elle-même contre, effectivement, nous on a fait contre le pass sanitaire, contre l'extension du pass sanitaire qui regroupe plus de 50 personnes en juillet. Bon, malheureusement, à chaque fois on a été débouté par le Conseil d'État, mais je pense qu'il ne faut pas perdre foi dans l'appareil judiciaire de notre pays. Un avocat, un administratif. Là, j'ai une amie qui m'écrit, pardon, j'interfère avec ma sphère privée, mais c'est aussi une auditrice, qui me dit, mon fils de 19 ans ne veut pas se faire vacciner. En parallèle de ses études, il veut être sapeur-pompier volontaire dans 78. Il a été désinscrit d'une formation feu quand il a dit qu'il ne voulait pas se faire vacciner. Son supérieur lui répondant qu'il n'y avait pas de solution, que c'était la loi. Voilà comment mettre fin à une vocation et au dévouement d'un jeune. Ah bah c'est que terrible. Faire hein. C'est terrible. Malheureusement, ici, tout ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, ils sont en train de détruire des professions entières, la santé, les pompiers. Et surtout, les millions investis, c'est ça, professeur Perron, le plus triste, dont l'hôpital aurait tellement besoin, sont investis dans des foutaises, excusez-moi, entre guillemets, qui sont néfastes et nocives. Et les infirmières ne sont toujours pas payées, il n'y a toujours pas plus de lits de réanimation, voire on en détruit plus. Et tout le scandale de la politique hospitalière. Il y a un côté très positif, quoi. Je fais de l'humour noir, mais allez-y. Il y a une prolifération des milliardaires. On voit qu'on est en train de faire crever le peuple à petit feu, et puis que de plus en plus d'argent... parce que quand on va vous imposer la troisième dose, la quatrième dose, c'est des milliards à chaque fois qui vont servir à rien. Alors qu'on peut, pour ce prix-là, remettre en bonne forme nos hôpitaux qui sont délabrés, peut-être en reconstruire un petit peu. Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir énormément plus de lits, mais qu'ils soient mieux équipés, qu'il y ait des infirmières et des médecins. Parce qu'il y a énormément de démissions d'infirmières également en ce moment, mais il faut dire aussi que tous ces personnels-là est déjà très peu payé. Ça va se casser la gueule, parce que je suis là qu'il y a des infirmières qui n'accepteront jamais l'inoculation. Je suis obligée de couper, parce que sinon Benoît de la Technique va vraiment me faire les gros yeux. Et c'était passionnant, merci à vous. Merci à Guillaume Leroy du Cercle Droit et Liberté, qui peut vous aller sur leur site internet, aux auditeurs, pour avoir plus d'informations. Un immense merci à vous. Professeur Perron, pour votre combat et votre courage. Et puis je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, dans 4 semaines. D'ici là, je ne vais pas utiliser la formule « portez-vous bien », mais soyez heureux et continuez d'écouter Radio Courtoisie. Merci. Vous venez d'entendre le libre journal de la liberté de pensée dirigé par Anne-Sophie Ongre-Boyeldieu, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 1er septembre 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.